les champions, putain! On est les champions! Non, mais tu le crois, ça? On est les champions! Non, mais c'est fou! Bon, le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe! Et bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill. Nous sommes le lundi 25 mars et nous sommes à l'émission 27 de cette saison 4. Ça commence à se terminer. Là, je suis un peu troublé. Je me vois en retour vidéo en direct. Ah ouais, là, j'ai moins de cheveux là. Et du coup, ce soir, on accueillera nos chroniqueurs habituels. Maintenant, ça commence un petit peu à se mettre dans l'équipe type. Hein. C'est l'équipe du printemps, désormais. C'est l'équipe du printemps, c'est Pensée Printemps. C'est la Ligue des Champions. Hein, Il y a Enzo qui fait sa troisième participation ce soir. Salut Enzo. Moi je tente le 5 points en quiz. Je vous le dis, j'annonce. 5 points en quiz et victoire au duel. Évidemment. Parce qu'il y a duel ce soir, évidemment aussi. On a aussi Romain, ça c'est un habituel, hein, et évidemment. Je pense que c'est plus habituel que lui, je pense qu'il n'y en a pas. Ouais, je pense qu'on peut le dire. On peut le dire. Non, mais surtout modeste. Hein. Surtout cette saison, sachant que j'en ai raté qu'une au final. Ouais, c'est vrai. Donc, une magnifique saison. Plus présentement encore, tiens. Ouais, ça paraît hallucinant, mais c'est le cas. On a Jules qui fait sa deuxième participation ce soir. Là, on le sent chaud parce que ça parlait rugby. Je vais essayer de faire mieux qu'au quiz la semaine passée. Ah ouais, bon, un petit 3 points pour ce début. C'est correct. Ça a monté crescendo et c'est transformé là, cette semaine. Ouais. Ouais, j'espère. Et on a Alex qui est au téléphone en ce moment, mais qui va juste arriver tout de suite après. Qui fait son retour ce soir. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Ça fait bien plaisir. Dès que ça parle rugby, on le revoit. Mais ça parle propre des deux ce soir. Dès que Béziers perd. Ouais, en effet. Ça commence de suite, il a pas entendu. Hein. Ce soir, on parlera donc de foot, mais de Champions League féminine. On parlera des qualifications de l'Euro chez le masculin cette fois-ci. On parlera de top 14, évidemment, de tennis avec Miami, de NBA et d'Euroleague. Un gros point basket ce soir, de cyclisme, parce qu'il y a eu des grosses performances en cyclisme aussi cette semaine. Et on parlera des sports montpelliérains, évidemment, avec encore un beau week-end à Montpellier. On fera deux mini-débats sur Julien Alaphilippe, on reparlera un tout petit peu de cyclisme encore, ainsi que de rugby sur la Coupe d'Europe, les quarts de finale qui arrivent en Coupe d'Europe, et évidemment le duel, ça parlera encore de rugby sur les MHR cette fois-ci, et le quiz évidemment actualité ce soir. Bon voilà, tout simplement, on va passer tout de suite aux résultats de la semaine. Sport & Chill, les résultats. On va commencer, si vous le voulez bien, par la Champions League féminine. Et on avait parlé dernièrement donc des masculins. Donc parlons un peu de cette édition féminine à l'heure des quarts de finale, où encore deux clubs français représentants. On peut dire que l'heure n'est pas à la fête chez les Français et Françaises surtout, puisque les matchs allés n'ont pas été couronnés de succès. Le PSG, premièrement, s'est incliné 2-0 à l'extérieur contre Chelsea. Les champions d'Angleterre démontrent donc bel et bien que les Britanniques sont un peu les nouveaux acteurs de ces Champions League, enfin du moins du foot féminin en club. Et le PSG est toujours en capacité tout de même d'aller chercher la victoire. Une remontada, ce que les hommes ne savent pas faire. Ça sera à Jambouin, donc un stade plutôt sympa pour du foot féminin, pour essayer d'attirer plus de monde. Ça sera donc cette semaine le retour pour le PSG, tout comme d'ailleurs Lyon. Hein, ça sera mercredi. Et on voit des photos là, c'est magnifique. Désolé, je vais être un peu perturbé aujourd'hui, mais on voit Loulou Nicolas en photo à côté de nous. C'est la nouveauté de la radio. On a un retour vidéo. Voilà, on l'explique à nos auditeurs et de magnifiques photos qui passent. On est les stars. Voilà, on va essayer de s'habituer. Et chez les Lyonnaises, j'exagère un tout petit peu en disant quand même que ce n'est guère mieux dans ce choc contre Wolfsburg, quadruple championne d'Allemagne et double championne d'Europe. Les Lyonnaises se sont imposées dans la douleur à domicile, 2-1 dans un match relativement équilibré, où les Lyonnaises quand même avaient fait le break au bout de 18 minutes, seulement avec des buts de Eugénie Le Sommer et Wendy Renard. Donc le problème, c'est qu'elles ont joué à domicile au Parc OL, et l'on sait que Wolfsburg est quand même un mastodonte de Bundesliga et de Coupe d'Europe. Il faudra tenir le score pour les Lyonnaises, mais on sait quand même que les quintuples championnes d'Europe sont capables de faire de grandes choses. Donc est-ce que vous voyez les deux Françaises passer ou les Lyonnaises tout simplement? En tout cas, ça faisait longtemps que ça n'avait pas été aussi difficile pour les clubs français à ce stade de la compétition. J'ai été quand même assez surpris de les voir tant en difficulté, surtout à domicile. Pour Paris, ça me semble assez difficile, surtout que Chelsea, année après année, progresse. Ça sera à domicile, le retour. Même si le retour sera à domicile, donc ça c'est un moindre mal, mais bon, faut remonter un 2-0 si je me trompe pas. C'est compliqué. C'est un score difficile à remonter. Même si d'autres l'ont déjà fait, hein. Chez les hommes, oui. Chez les hommes. Ils sont à Jambouin, c'est juste à côté du Parc des Princes. Hein. Ça peut leur donner des idées. Hein. Oui, ça peut toujours donner des idées. Et, en tout cas, j'espère qu'elles seront capables de remonter. Et pour Lyon, effectivement, meilleure posture. Mais un 1-0 en Allemagne les éliminerait. Surtout que c'est pas n'importe qui, c'est quand même un choc. C'est un vrai choc, oui, effectivement. Tomber sur Wolfsburg. On voit souvent ce choc là depuis plusieurs années. Lyon-Wolfsburg, c'est un classique presque dans ces questions. C'est une finale avant l'heure, comme on dit. Ouais, faudra faire attention pour les Lyonnaises à la mauvaise surprise, parce que si elles tombent en quart, les résultats de la saison, on sait qu'elles vont certainement être championnes de France, mais si elles tombent en quart de Champions League. Jean-Michel Aulas, je pense qu'il sera pas content. D'ailleurs, j'accueille Alex qui est de retour parmi nous. Comment ça va, Alex ? Bonsoir, bien, très bien. Ça fait un petit moment, je me trompe pas, je crois 4 semaines à peu près. 3 ou 4 semaines, même. Donc, il y a besoin de prendre un break. pour Alex. Ok, on va passer toujours au foot, mais on va passer cette fois-ci chez les masculins et la qualification pour l'Euro 2020. Qui sont toujours en cours d'ailleurs, il y a encore des matchs ce soir, dont l'équipe de France qui affrontera l'Islande à 20h45. On va parler des gros résultats avant de parler de nos bleus. Dans le groupe A, à noter uniquement le carton de l'Angleterre, 5-0 contre la République tchèque, confirme quand même le beau parcours des Free Lions en Coupe du Monde. Le groupe B, un Portugal qui lâche des points en route avec un triste 0-0 à domicile contre l'Ukraine, qui profite, on va dire bonjour à notre ami luxembourgeois Kim, au Luxembourg, donc premier, avec sa victoire 2-1 contre la Lituanie. Donc pour une fois que le Luxembourg est premier, il faut le souligner. Ils peuvent le prendre en photo, le classement, je pense. Ouais, c'est clair. Non, ils ont progressé, c'est une bonne équipe maintenant. on sait qu'on a un ami luxembourgeois, donc on ne peut plus trop rien dire sur ce pays. Le groupe C, évidemment, le duel entre les Pays-Bas et l'Allemagne qui a tourné à l'avantage des Allemands dans les dernières minutes, 3-2, c'était hier soir. Les Allemands qui mettent un peu donc la clim, l'Amsterdam Arena, enfin, c'est un Pays-Bas qui n'arrêtait plus de gagner. Pays-Bas qui a des jeunes stars maintenant avec les stars de l'Ajax. Memphis Depay. Ouais, on va dire ça comme ça. Et donc il y a que les Allemands quand même qui peuvent aller chercher les Pays-Bas. C'est un peu les Allemands pas en forme du tout cette année 2018. Mais le match Pays-Bas-Allemagne, c'est un peu classique. Aussi grosse rivalité. Une deuxième mi-temps un peu pourrie aussi pour l'Allemagne, avec un but vraiment dans les dernières minutes qui vient les sauver. Grosseur défensive sur le but d'ailleurs, allemand. Comme on dit, le football se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne, c'est ça. Ouais, justement, Gary Lineker. C'est ce que j'allais bien placer. C'est ce que j'allais dire, c'est que cette Allemagne vraiment malade dans l'année 2018, année Coupe du Monde, a besoin maintenant de se relancer. Était dans le même groupe d'ailleurs que les Pays-Bas avec la France pour la Ligue des Nations. Et là, dans la perspective de l'Euro, je pense que ils avaient placé en tout cas ce match. Ils avaient coché cette date sur le calendrier et ils avaient vraiment à cœur de faire une performance. Donc même si effectivement tout a été loin d'être parfait, ils ont fait le travail pour aller calmer la jeunesse néerlandaise et prendre les devants dans ce groupe. Au niveau du groupe D, il n'y a rien de surprenant à signaler. Par contre, en groupe E, défaite surprise des vice-champions du monde. La Croatie qui s'incline 2-1 contre la Hongrie, c'était hier aussi, dans son deuxième match de poule. La Croatie pourtant quasiment complet, manquait juste l'absence du buteur Mandzukic qui était remplacé par Kramaric. Donc un peu surprenant pour les vice-champions du monde. Face à une équipe modeste quand même de la Hongrie. Au niveau du groupe F, rien non plus à signaler. Le groupe G, l'Autriche qui ne cesse de couler avec 2 défaites en 2 matchs. Une Autriche qui avait pourtant une belle génération dernièrement et qui n'a rien prouvé ces dernières années et qui coule encore. Donc dernier de ce groupe. Le groupe I, la Belgique qui se défait facilement dans, on va dire, l'un des premiers chocs de ses qualifications contre les Russes. 3-1 à domicile. Le groupe J, RAS, et le groupe H, on va en parler parce que c'est le groupe des Bleus, Victoire 4-1 en Moldavie. Beaucoup de monde ont critiqué certains choix de Didier Deschamps, notamment sur certaines sélections de certains joueurs dans sa liste. Est-ce qu'il a raison de garder certains mondialistes? J'avais posé cette question il y a quelques semaines en disant qu'il y avait cette jurisprudence Coupe du Monde. Est-ce qu'il a raison toujours de garder certains mondialistes? Sinon, lesquels devra-t-on virer, quoi, tout simplement? Pour l'instant, ça lui donne raison au vu des résultats. Après, bon, c'est à Moldavie, il faut pas non plus s'emballer. En même temps, si on gagnait pas, c'était un peu la honte. Quoi, c'était très très faible en face. Ouais. Quand tu vois la réaction quand les Moldaves marquent, ouais, sur le but. Ça, c'est drôle. C'est un pays qui était créé en 1991. Donc, pour te dire. Après, ils se sont rendus le match facile, les Français, en marquant dans les 20 premières minutes. Si à la mi-temps, tu tournes à 0-0, les autres, ils commencent à y croire. Ouais. Et c'est beaucoup plus compliqué. Là on a été efficace en première mi-temps, ce qui a permis après en deuxième mi-temps de gérer. Ouais. Et donc cette question, est-ce que vous pensez que Didier Deschamps devrait changer un peu ses méthodes de sélection ou garder un peu cette essence, enfin, c'est ce qui a quand même fait sa force en Coupe du Monde, c'est-à-dire garder un groupe soudé, même si c'est pas les meilleures individualités. C'est ses méthodes, donc je pense que de toute façon il changera jamais Deschamps. Et après, honnêtement, pour moi, le vrai test, bon, il y a ce soir face à l'Islande, mais ce sera peut-être face à la Turquie, où on verra comment l'équipe se comporte. Et là, on pourra peut-être tirer des conclusions. Mais jusqu'à présent, après un match contre la Moldavie, on peut pas tirer de conclusions. Oui. Quoi. Puis même, déjà, notre groupe en soi, il n'est pas extraordinaire. Donc, c'est face vraiment aux confrontations face à l'Islande et à la Turquie qu'on pourra juger s'il faut changer des choses ou non. Mmh. Et c'est vrai que plusieurs ici on a eu tendance à critiquer les choix de Didier Deschamps déjà avant la Coupe du Monde. Bon, je veux pas dire juste qu'il y a une jurisprudence parce qu'il allait la gagner, mais c'est vrai qu'en tout cas c'est plus difficile aujourd'hui d'arriver à critiquer ses choix. Pour autant, effectivement, on veut du beau jeu dans cette équipe. Il y a quelques choix personnellement qui m'ont un peu surpris de sélection. Pour en citer un, et pour le coup c'était plutôt un nouveau, en tout cas un retour, Leivin Kurzawa. À certains postes offensifs, il y a des joueurs. Ouais, faute de mieux, il y avait rien d'autre. Hein. Fantôme, après. Faute de mieux, ouais. Peut-être faute de mieux, mais bon, pour autant, un petit peu surpris. Et puis devant, effectivement, il y a des joueurs dont on se demande si on les verra faire leur retour, qui ont été appelés par exemple par Didier Deschamps, comme Wissam Ben Yedder. Après, il s'appuie sur ses. Mais qui fait quand même une très belle saison avec le FC Séville, c'est pour ça que je le dis. Deuxième meilleur buteur, comme la Cazette en Angleterre aussi. Effectivement, avec Arsenal. Après, c'est difficile de savoir quel joueur on sort de cette équipe. Et puis, il y a cette logique. Peut-être Thauvin cette année. Ouais. Peut-être Thauvin cette année. Thauvin cette année. Si on prend sur la fraîcheur, évidemment. Sur la fraîcheur, ouais. Mais à l'inverse, c'est pas un joueur, effectivement, comme d'autres, où on se dirait, tiens, il y a un joueur vieillissant qui a fait son expérience en équipe de France et qu'on sort du groupe. Après, c'est pas un avant-centre. Aussi. Donc, effectivement, tu sors pas forcément Thauvin pour Ben Yedder ou la Cazette. Enfin, bref, ça fait bon nombre de débats sur les joueurs. Et à l'image de ce que vous avez dit, j'attends de voir sur plusieurs matchs avant de me prononcer sur est-ce que Didier Deschamps a fait les bons choix en privilégiant le groupe. Et on ne le voit pas forcément changer de toute manière d'optique là-dessus, il l'a prouvé jusqu'à présent. Très bien, on a fini ce point foot, on n'en reparlera pas d'ailleurs je crois de l'émission, sauf dans le quiz évidemment, le foot reviendra. C'est assez rare de ne pas trop parler de foot, mais bon, des fois il faut. Reviendra vite. On va passer à un sport qu'on parlera beaucoup ce soir, c'est le top 14, c'est le rugby, c'est avec le top 14 justement, qui a repris ses droits après les 6 nations. Mon cher Alex, qu'est-ce que tu vas nous dire sur le championnat français? Alors, je vais d'abord rappeler les résultats. Donc, on a eu la victoire de Lyon 42-33 sur Toulon, la victoire du Stade français 32-16 sur le champion de France en titre Castres, la première victoire de l'USAP, enfin, et tant mieux pour eux, ça me fait plaisir. À domicile, à Aimé Giral. Voilà. Oui, à Aimé Giral, j'avais pas fini ma phrase. 22-16 face à Grenoble. Dans un bon match, je pense qu'ils se libèrent, les Catalans, et ils peuvent encore en gagner quelques-uns d'ici la fin. Victoire de Toulouse à La Rochelle 23-19. Victoire du MHR, même si on l'évoquera un peu plus tard. Dans le duel. À Pau 24-15. Victoire de Clermont à Agen 28-13. Et victoire du Racing 45-27 dans le dernier match face à l'UBB. Un très beau match à la U Paris U Défense Arena. Sur leur terrain, sur le pouls synthétique où leurs trois quarts font des ravages. Tu as des actions chez la Défense Arena ou... Non, je cite. Non, je cite la pub de la pelouse. Voilà, c'était sa chronique. C'était non. Et après, donc la question que j'avais envie, donc puisqu'on, j'allais partir sur Montpellier, mais comme on va en parler après, c'était justement, est-ce que plutôt donc en dehors de Montpellier, dans la course au qualif, est-ce que vous voyez une équipe qui va peut-être sauter, et en vue de la Coupe d'Europe entre le sur le choc Racing Toulouse, est-ce que vous pensez que il y en a un des deux qui vous a plus impressionné que l'autre ce week-end? Sur ce week-end. Ouais. Voilà. Ouais, effectivement, on avait déjà eu un petit peu cette discussion, mais petit à petit, on y voit un peu plus clair. Enfin, oui et non, parce qu'on va dire que certaines équipes continuent de donner des signes qu'elles auront peut-être du mal à accrocher les 6 sur le sprint final. Ouais, Je pense à deux équipes souvent qui tournent autour, malheureusement pour elles. C'est Bordeaux-Bègles et aussi La Rochelle. Ouais. J'ai bien peur que pour La Rochelle, cette défaite contre le Stade Toulousain fasse un petit peu mal. Chaque année, Bordeaux, La Rochelle, ça envoie du jeu. On loue vraiment leur qualité, mais au final, ça gagne pas tant de matchs que ça, et ça arrive rarement à accrocher les playoffs. Ouais, ça tourne souvent autour et finit souvent 7 ou 8. Je pense notamment à Bordeaux, qu'on attend de voir encore dans le top 6. Il faut le rappeler que d'ailleurs les demi-finales sont du côté de Bordeaux, et donc c'est un grand objectif pour l'UBB cette saison. Ils sont 6e pour moi. Bon, pour le moment, ils sont 6e. Ça n'a pas réussi à Lyon l'année dernière. Effectivement, l'année dernière, ça n'avait pas réussi à Lyon, mais qui s'était hissé en demi-finale, ce qui était leur objectif. C'est déjà bien. Ouais, ce qui était plus qu'honnête. Lyon, qui sera pour moi sans doute, bien sûr, dans les 6 cette saison. Et à l'inverse, effectivement, lorsqu'on parle de Bordeaux et de La Rochelle, je pense qu'il faut citer deux autres équipes qui sont en ballotage. C'est le Stade Français, et le Castres Olympique, mais qui risquent de bénéficier pour leur part d'une expérience, et notamment d'une expérience dans ce sprint final. En tout cas, c'est ce que je pense, notamment pour Castres. L'histoire l'a déjà prouvé. Chaque année, ils sont là. Le Castres Olympique et le Racing, c'est les favoris du sprint final à chaque fois. Ils vont chercher des qualifications à toute dernière minute. Après, Castres, c'est différent du Racing, je trouve. Parce que le Racing, quand même, depuis le début de saison, il démontre quand même du jeu, surtout à domicile. Castres, c'est plus. C'est Castres. Voilà, c'est Castres. C'est le yo-yo. Mais chaque année, ils sont là en phase finale. On sait pas comment ils font. Ils sont là, gros paquet d'avant. Et rugby à l'ancienne. Voilà, rugby à l'ancienne. Le petit poussé, quoi. Sur les dernières journées, je pense qu'ils seront notamment durs à bouger chez eux, sur leur terrain. Chez eux, voilà, un bon buteur, un bon paquet d'avant. Une très bonne paire de demi. De Cocotte et Urda Pieta, vraiment ça gère bien. Je connais pas. Bon, est-ce que tu avais une autre question, pardon, mon cher Alex? Oui, c'est vrai. J'étais un peu soufflé. Tu me l'as soufflé, c'est vrai. Parce que j'aimerais bien en parler, parce qu'on en a un supporter ce soir, et aussi. C'est vrai que ça me trottait dans la tête. Après, j'avais du mal à y croire, mais c'est vrai. Est-ce que l'USAP peut piquer la place de barragiste à Grenoble? Ça, c'est la question. À mon avis, ça va être compliqué. Après la victoire à Montpellier, la première victoire de la saison, les supporters catalans ont commencé à y croire. Parce qu'il y avait la réception d'Agen, la réception de Grenoble. Après la défaite à domicile contre Agen, à mon avis, les espoirs se sont envolés. Même si là, on regagne derrière, je pense que ça va être compliqué. On va à Bordeaux samedi. Oui, ce calendrier est très compliqué. À Bordeaux, il faudra aller à Clermont. Il faudra recevoir le Racing aussi. À Toulouse. À Toulouse, oui, aussi. À Toulouse. Donc il faudrait vraiment un miracle. Ce que je souhaite, mais je pense pas que ça va arriver. Le seul match peut-être qui peut un peu les sauver, c'est comme on dit la section paloise que voilà, vous recevez. La réception de la section paloise, plus rien à jouer. Hein. Après, s'ils grappillent des bonus défensifs, parce qu'il y a 8 points. Genre 8 points d'écart. 8 points d'écart, c'est ça. 12-20. Ouais. Ouais, donc s'ils grappillent des bonus défensifs et que Grenoble stagne, ça peut éventuellement. C'est jamais, mais bon. Pourquoi pas, mais. Ça va être dur. Hein. Il faudrait que Grenoble prenne plus un point, quoi. Faudrait que la fin de saison de Grenoble soit catastrophique. Après, Grenoble, c'est pas non plus une grosse saison. Trois victoires seulement. Ils ont fait un gros match. Non, mais ils sont pas si mauvais dans le jeu. Le dernier match était pas mal. C'était Perpignan, du coup, et c'était vraiment bien. Ils ont plus tendance à aller chercher des points à l'extérieur, je trouve, quand même. Mais à côté de ça, justement, pour en venir sur Grenoble, c'est la question que j'allais vous poser au-delà de l'USAP. Moi, je crains pour eux, par contre, qu'ils aient clairement raté le coche pour sortir de cette 13e place et aller chercher Pau ou Agen. Enfin, Agen surtout. Pau maintenant, ils étaient en ballotage. Ouais. Ils avaient beaucoup parlé avant le match contre Perpignan. Il y a eu pas mal de rivalités et les Catalans avaient vraiment mis un point d'honneur sur le fait que de battre Grenoble. Parce qu'ils voulaient aller chercher leur premier succès à l'extérieur à Perpignan. Et au final, ils reviennent sans aucun point. Donc, c'est vrai qu'ils sont à 9 points d'Agen, je crois, maintenant. Ça va être compliqué pour eux de sortir. Ouais, Agen a 29 et ils ont 20, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que de mon côté, juste en conclusion, petite déception de voir que sans doute les deux équipes étant montées de la première Pro des deux au top 14, soit les 13e et 14e, mais bon, ça montre à nouveau après, que ce championnat est très compétitif et qu'il est vraiment difficile de s'affirmer. Grenoble restera peut-être en tant que barragiste face aux finalistes malheureux de la finale de Pro 2. Ça démontre peut-être une limite du top 14 qui commence à être de plus en plus fermée, peut-être. Pour toi qui... Toi tu aimes que je dise ça, Alex. Une limite, mais... ça manque le niveau. Ça manque le niveau, ouais. Ça manque la différence de budget aussi entre les clubs de top 14 et les clubs de Pro D2, quoi, aussi. Voilà, la prochaine, il y aura Toulon qui descendra, c'est bon. Très bien, on a fini pour ce premier point rugby, on en parlera tout à l'heure. On va passer au tennis cette fois-ci, on continue avec la tournée américaine. Et après Indian Wells, c'est Miami qui a débuté cette semaine chez les hommes et chez les femmes. Quelles sont les grosses surprises pour le moment? On va commencer avec, chez les hommes. Les grosses surprises, Lucas Pouille, 25e du tournoi, qui sort face Alberto Ramos dès le deuxième tour. Surprise. Oui, mais bon, classé quand même. Classé face à un non classé, c'est une petite surprise. Faut qu'ils se remettent quand même après. Hein. Ça prend du temps pour les Français. Il faut qu'ils se mettent d'une demi-finale. Voilà, c'est ça. Le vainqueur de Indian Wells aussi, Dominic Thiem, qui tombe aussi donc lui dès le deuxième tour face au Polonais méconnu Urzgaz. Je suis désolé, j'arrive pas à le prononcer. Qui s'est d'ailleurs fait éliminer le tour suivant par un qualifié, pour dire un peu la contre-performance de Dominic Thiem. Il y a Nishikori aussi, qui est numéro 5 du tournoi, éliminé par le Serbe Lalovic. Enfin, Alexander Zverev aussi, qui a du mal en ce moment, sorti dès son deuxième tour par l'aîné. On peut dire ça comme ça, David Ferrer. L'Espagnol, évidemment. Les favoris, Djoko toujours en lice en 8e, même s'il y a eu un peu de crispation hier en 6e de finale face à Delbonis et de nombreuses raquettes cassées. Federer également dans la difficulté pour son premier tour, mais dans la maîtrise tout de même, qui jouera, je crois, aujourd'hui ou demain en 8e de finale. Ou en 6e, je ne me rappelle plus, je suis désolé. Chez les Français, donc Pouille éliminé, on l'a dit. Chardy qui élimine Simon et qui se fait éliminer le tour d'après par le jeune croate Koric. Manarino éliminé lui au deuxième tour par le jeune Medvedev. Donc grosse performance encore chez les Français. Je crois qu'il reste plus après ça c'est logique ça je trouve. Je crois qu'il y a plus de Français du coup. Les deux derniers résultats sont cohérents on va dire. Koric, Medvedev qui sortent les Français, c'est pas infamant au vu de la dynamique. Non, vu le classement des uns et des autres, si on compare les classements de chacun, c'est la logique respectée quoi. Et donc chez les féminines, les surprises du moment, c'est Naomi Osaka, évidemment, grande favorite qui s'incline face à une Taïwanaise, Isiei, qui est 27e donc, du tournoi. Muguruza, l'Espagnole, également, qui s'incline face à une qualifiée. Sloane Stephens, très grosse surprise, puisque c'est la tenante du titre. Et sur cette terre qui nous surprend du mauvais sens. Et d'ailleurs, à Indian Wells, elle fait une très mauvaise performance également. Elle se fait éliminer par une Allemande, Maria, qui s'impose elle donc facilement 6-3, 6-2. Donc, vivement que la terre battue arrive. Hein. Ave Maria. Ouais. Allez, on continue. La surprise aussi, c'est encore la jeune Canadienne, Andreescu, qui s'est imposée à Indian Wells, et qui est en 8e de finale, en sortant encore une fois Angélique Kerber en 16e de finale, qui l'avait sorti au même endroit à Indian Wells. Petite confirmation pour cette petite Canadienne qui risque de monter dans les prochaines semaines. Ouais, donc déjà gagner un Master 1000 à Indian Wells, c'est déjà pas mal. C'était la fiche de la finale, non, même Kerber, non? Oui, c'était la finale. Oui, bien sûr. Chez les favoris, du coup, Kvitova toujours en lice en 8e, avec un peu de difficulté contre Vekic en 16e, mais aussi dans la maîtrise. Elle affrontera d'ailleurs Caroline Garcia en 8e de finale. Kiki Bertens aussi, toujours en maîtrise, 5e du tournoi, qui enchaîne les bonnes performances. Et enfin, Simona Halep, 2e du tournoi, qui poursuit aussi sa route jusqu'en 8e de finale, mais devra batailler face à Venus Williams. Gros match en perspective. Un tournoi qui pourrait offrir encore beaucoup de surprises, notamment chez les féminines. Mais bon, c'est assez récurrent, dernièrement. Et enfin, chez les Françaises, Caroline Garcia, on l'a dit, qui va affronter Kvitova en 8e. M'a noté tout de même qu'elle a battu Azarenka. Bon, Azarenka, c'est plus celle de l'époque. Hein. Bon, mais elle a gardé sa qualité quand même. Oui, elle a gardé sa qualité. Et puis aussi Julia Georges, qui était classée 18e du tournoi. Donc, c'est une bonne petite joueuse, Georges. Ouais. Donc, c'est pas déplaisant. Au niveau des Françaises, de l'autre côté, c'est Alizé Cornet, qui s'est fait sortir logiquement cette fois-ci par Pliskova, numéro 5 du tournoi. Elle a tout de même pris un set à la Tchèque. Parmentier, elle est sortie par Mertens et Mladenovic qui a forcé, donc qui a perdu dès le premier tour à la chinoise Wang. Mladenovic, il faut qu'elle prenne des vacances. Hein. Petite année. Ça fait des longues vacances, je pense, quand même. Ouais, mais c'est vrai que là, c'est dur pour elle. Hein. anecdote, en 8ème de finale, on aura Wang face à Wang. Mmh. Voilà. Est-ce que c'est la même nationalité? Même nationalité, d'accord. Chinoise contre chinoise. Okay. Voilà. Un match à suivre, vraiment l'affiche de la semaine. Je parie sur Wang. Wang vainqueur en... T'aimes le risque, Enzo? Ah, t'aimes le risque. Non. Non, j'ai un bon petit pari tennis pour la suite. faudra voir les côtes, comment ils sont réunis. C'est vrai que ouais, ça va être compliqué s'ils sont tous dans le même prénom. Bon, il va les repérer, voilà un peu ce point tennis. Évidemment, Miami se termine cette semaine avant d'entamer la terre battue. Voilà la saison de terre battue qui arrive bientôt. La transition va se faire. On va parler de notre gros point de cette semaine, c'est le basket. On va le séparer en deux parties, donc en NBA 5 minutes et en Euroleague aussi un petit 5 minutes également. On va commencer avec quoi, les Européens ou les Ricains? On va commencer avec les Ricains. Oui, on va commencer avec la grosse compétition, enfin le gros championnat quoi. Le championnat que personne ne peut voir à part les Américains. Bah ouais. Ah, mais regarde, on est plusieurs à le regarder. Hein. Ouais. Oui, vrai. Non mais t'as du mal à le voir en direct parce qu'on n'est pas sur le même continent, le réseau. Réseau on ne connaît pas les ressources de Romain. À 3h du matin, on est là. À 3h du matin, c'est tôt. Il y en a après. Donc un petit gros point NBA. Bah, il reste une dizaine de matchs en NBA. À l'Ouest, on connaît les 8 équipes. Sauf surprise, sauf une équipe qui craque, mais à mon avis ça n'arrivera pas. On connaît les 8 équipes, donc Golden State, Denver, Houston, Portland, les Clippers, Oklahoma City, Utah et San Antonio. Donc ça sera les 8 équipes. Après c'est très serré, donc entre Portland qui est 4e avec 45 victoires et San Antonio 8e avec 43 victoires, on ne sait pas trop qui va finir où. Je pense que tout le monde va éviter Golden State au premier tour. Donc après on a Denver qui est 2e, je pense qu'il y en a pas mal qui aimeraient les jouer. Il y a un petit manque d'expérience chez Denver, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas fait les playoffs. Côté on voit Est. On voit un Boston Celtics, comme je t'avais dit voilà, avant ouais. L'émission, qui est dans le dur en ce moment. En ce moment, ils sont dans le dur, ça fait 4 défaites d'affilée. Boston, on les imaginait peut-être un peu plus haut. Moi, je les imaginais au top de la conférence Est. Finalement, c'est Milwaukee. C'est Milwaukee qui est devant. Mais là, pareil, on a une course, c'est pas fermé. Donc on a encore. 4 équipes qui peuvent se jouer les places. Il y a les 5 premiers, on va dire, qui sont bien détachés. Les 5 premiers, c'est Milwaukee premier, Toronto, Philadelphie derrière, Indiana et Boston. Avec une hiérarchie qui semble assez. Je pense qu'elle sera faite, ça restera dans cet ordre-là. Désolé, je t'ai parlé de Boston alors que tu parlais de l'Ouest. Je sais pas justement, il faut que je résume un peu ma géographie. On repart de l'autre côté, côté Atlantique. Et du coup, on a Brooklyn 6e, Détroit 7e et Miami 8e. Mais Brooklyn qui est 6e a que 4 matchs d'avance sur 4 victoires d'avance sur Charlotte qui est 10e. Donc tout est encore possible. Sachant qu'on voit Orlando 9e qui est sur 4 victoires d'affilée. Donc Orlando avec Evan Fournier et Nikola Vucevic, fraîchement All-Star cette année, qui pourquoi pas pourrait faire les playoffs. Ça fait un petit moment qu'ils attendent ça. Et avec un beau duel pour la place entre équipes floridiennes. Oui, j'y reviendrai en fin d'émission avec en plus un duel entre Miami et Orlando à venir cette semaine. Ouais, Miami, la dernière année de Dwayne Wade, je pense qu'il aimerait finir sur des playoffs. Après, ce que je voulais voir avec vous, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que quelqu'un peut bousculer la hiérarchie cette année? Est-ce que quelqu'un peut inquiéter Golden State? On voit qu'ils sont qu'à 50 victoires entre guillemets, ce qui est loin de leur standard habituel en saison régulière. Mais est-ce qu'ils ne se réserveraient pas pour les playoffs, nos amis Warriors? Ouais, sans doute. Je pense quand même qu'ils se réservent dans le sens qu'ils nous montreront véritablement d'autres ingrédients que ce qu'on a vu en saison régulière. Ça fait un petit moment qu'on ne les a pas vus pouvoir être inquiétés par une équipe déjà sur la saison régulière comme Denver le fait. Ils alternent leur place régulièrement. Il y a un bilan qui est moins positif que sur ces dernières saisons. On parlait justement du fait que lorsque DeMarcus Cousins rentrerait dans le 5 de départ, le 5 majeur, il serait intouchable. Ça a quand même posé des petites difficultés d'adaptation. Bah, il joue pas beaucoup, il est en minutes restreintes. Enfin, Steve Kerr fait attention avec ça, avec sa blessure. Il vient d'une blessure au tendon d'Achille, donc c'est très compliqué pour quelqu'un de son gabarit. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire du coup par minute restreinte? C'est-à-dire que normalement les superstars ça joue on va dire entre 35 et 40 minutes en général, et lui il sera plus vers les, il dépassera pas les 30 minutes par match. D'accord, c'est du retour de blessure. Il joue moins pour éviter les. Oui. On sait que Joel Embiid l'avait fait longtemps ça, pour éviter les blessures. Ceux qui reviennent de blessures, on évite de les, on les ménage un petit peu en leur faisant jouer moins de minutes. Et de fait, du coup, qui pourrait les inquiéter? Ça évolue un petit peu. Je pense que pendant un moment, on a pensé à l'Est, sur le papier, avant le début de la saison, que Boston serait un très gros client. Toronto, non? En début de saison, on a beaucoup pensé à Toronto, mais je trouve qu'il marque un petit peu le pas dernièrement, qui est moins souverain, et on sait que Toronto, c'est toujours plus fort en saison régulière, donc on a peu de certitude sur les playoffs. En général, ça s'éteint un peu en playoffs, Toronto, même s'il y a Kawhi Leonard qui arrive cette année, qui va peut-être apporter quelque chose de plus que DeMar DeRozan qui avait précédemment. Mais là, c'est vrai que Toronto, on en parlait beaucoup en début de saison, mais au final, on se rend compte que la meilleure équipe en NBA cette année, c'est Milwaukee. Et eux, justement, les Bucks? C'est un peu l'inconnu, parce qu'en playoff, ils n'ont jamais trop rien fait. C'était une équipe jeune. Et là, cette année, ils semblent, avec un Giannis Antetokounmpo intouchable, ils semblent prêts à, selon moi, pourquoi pas faire une finale NBA. Ça, après, faudra voir comment se passe leur parcours. Et de l'autre côté, à l'ouest, avant de rejoindre cette finale, deux équipes pour moi qui semblent, ne serait-ce que par leurs individualités et leur collectif, pouvoir mettre en danger les Warriors sur ce type d'opposition, c'est Houston et pourquoi pas OKC, même si OKC dernièrement a un peu marqué le pas, alors que le duo Paul George-Russell Westbrook, il y a un mois et demi, était véritablement impressionnant. Paul George qui est en course pour être MVP au même titre que Harden ou Antetokounmpo cette année. D'ailleurs, en parlant de ça, justement, parfaite transition, tu me parlais d'une petite anecdote avant l'émission sur un peu les MVP, MIP ou... C'est ça, ça pourrait être la première fois dans l'histoire de la NBA que tous les trophées sont décernés à des non-américains. Donc ça on ne sait pas, il y a beaucoup de si, mais on en reparlera d'ici la fin de saison. Ouais. Ça sera peut-être possible, ce sera peut-être une question de quiz, par exemple. Il faut rappeler que Giannis Antetokounmpo est grec. Oui. Et en train de devenir véritablement une superstar en NBA et du basket mondial. C'est vrai. Vraiment un joueur impressionnant à voir jouer. On va passer à une autre partie. Merci pour ce point NBA. C'est une autre partie basket, c'est donc l'Euroleague. On avait prévu d'en parler il y a depuis plusieurs semaines. C'est ton moment, Romain. C'est là où tu dois tout donner. Quoi. On dirait d'un coup que je suis un expert de l'Euroleague. Faudrait peut-être pas non plus méprendre nos auditeurs, mais c'est l'occasion effectivement de parler de basket européen et de faire le pendant avec la NBA. Donc l'Euroleague, qui est la ligue fermée au niveau européen, composée donc de 16 équipes, et on a eu des résultats intéressants cette semaine, surtout qu'on approche effectivement aussi de la phase finale de la compétition. Donc 16 équipes, on a 30 matchs, chaque équipe se joue en match aller-retour, et c'était donc les 27e et 28e journée la semaine dernière. Fenerbahçe, tout d'abord leader de l'Euroleague cette saison, a remporté sa 23e victoire en 27 matchs à domicile contre l'équipe de Podgorica, 76-67. Dans le même temps, le deuxième, le CSKA Moscou, s'était imposé en Turquie contre l'Anadolu Efes 80-78, qui est une équipe aussi bien classée, méconnue, mais bon nom de bien classée. Effectivement, vous verrez que dans cette Euroleague... les gros clubs, c'est plutôt vers... on en retrouve pas mal en Russie, en Turquie aussi. Dans les Balkans aussi. Ouais, Podgorica, c'est Monténégro. Donc, On a beaucoup d'équipes, c'est ce que effectivement j'allais vous dire, en Turquie, en Russie, d'Europe de l'Est, et puis bien sûr des clubs espagnols. J'allais venir effectivement après les victoires du Fenerbahçe Istanbul et du CSKA Moscou, c'est le Real qui s'est imposé également mercredi contre Milan dans un match serré 92-89. Tiens, avec notamment 14 Milan. Points de... ouais, c'est vrai, ça n'était pas arrivé au niveau européen, avec notamment 14 points de Sergio Llull. Donc c'était les premières performances à citer donc pour cette 27e journée. À ce moment-là, après la 27e journée, on avait 5 équipes qualifiées, donc pour faire le point effectivement, Fenerbahçe, le CSKA Moscou, le Real Madrid, l'Efes Pilsen, Istanbul et le FC Barcelone. Donc a priori, ces 5 équipes semblent être les plus armées pour le titre cette année. Et donc rappelle-nous, c'est comme en NBA, c'est les 8 premiers. Effectivement, le premier qui joue le 8e, le 7e. Exactement le même principe pour le coup, sauf qu'il n'y a pas de conférence, on a 16 équipes. Et c'est pas en 7 matchs aussi. Je sais pas en combien de matchs c'est, mais c'est pas en 7 matchs. Effectivement, c'est en 3 matchs. C'est plus restreint, mais je crois en tournoi junior. Je crois que c'est en 3 victoires, donc ça doit être 3, 4, je crois que c'est 3 ou 4 matchs maximum. En 5 matchs aussi. Et donc, effectivement, ensuite il y a eu quand même un gros match, que je reviens sur la 28e journée, qui a donné la hiérarchie, c'est la victoire quand même du CSKA Moscou, à voir si c'est de bon augure pour eux avant les playoffs, sur le parquet de Fenerbahçe, leader. Et dans le même temps, le Real, par contre, qui a surpris son monde aussi en étant défait face à l'équipe de Vitoria, donc autre équipe espagnole, défaite qui a eu lieu juste avant un match très important en championnat d'Espagne contre le Barça. Donc s'était-il réservé? Si c'est le cas, c'est un échec jusqu'au bout, sachant que le Barça est venu à bout du Real et risque de s'imposer aussi cette saison en basket. Et vous savez que ça me fait pas plaisir de le dire. Ils vont rappeler Zidane au basket aussi. Ouais. Et donc oui, effectivement, le classement qui donne donc le Fenerbahçe en tête devant le CSKA Moscou, le Real Madrid. Donc ça, c'est à peu près le trio qui risque de faire. On a ensuite, donc, je vous en parlais, une autre équipe turque avec l'Anadolu Efes. Cinquième, le FC Barcelone, cette année qui a une belle carte à jouer, surtout que, comme je vous le disais, en championnat, ça marche aussi fort. On a l'équipe de Baskonia, donc c'est Vitoria, sixième. Septième, le Panathinaikos. Huitième, Milan. Et donc là, ça va être très très serré, sachant qu'on a qui se tiennent en pas plus de deux points. Même, deux points, c'est bien ça. Vitoria, 6e jusqu'au 12e, le FC Bayern Munich. Donc, vraiment une Euroleague très, très, très serrée. On peut voir qu'il y a beaucoup de clubs omnisports. C'est sûr. C'est dommage qu'il n'y ait pas un club français qui soit au milieu. Justement, c'était ma question. Donc, ça marche comment? C'est par invitation qu'on peut arriver dans l'Euroleague? Ouais, c'est la nouveauté. Et les Français, donc. Il faut monter un dossier. Monter un dossier pour montrer un peu l'attractivité, la structure. C'est comme pour monter une franchise NBA quand la NBA ouvre, entre guillemets, les fenêtres pour ajouter des franchises. Il faut montrer faut monter un gros plan financier pour montrer qu'on est une ville qui attire. Et Lyon, l'Asvel l'a fait avec la métropole lyonnaise pour pouvoir rentrer. L'année prochaine. Avec Tony Parker. Avec Tony Parker. Tony Parker et Nicolas Batum. Peut être important. Ouais. Tony Parker et Nicolas Batum qui ont poussé le projet. Ouais. Moi qui ne connais pas énormément le basket, est-ce que c'est jouable que Tony Parker revienne en Europe après, peut-être pour après finir, son aventure au Hornets? Peut-être pour finir, il est président à l'Asvel, donc peut-être il pourrait venir se faire un petit plaisir. Entraîneur-joueur Entraîneur-joueur-directeur. Président. Même au niveau marketing. Président, trésorier. En tout cas, un poste de dirigeant, c'est sûr qu'il peut, qu'à mon avis, il finira en France. A priori, c'est sur le long terme. Quoi. Il intégrera l'Asvel. Je pense que de fait, s'il vit en France, ce sera pour finir du côté de Villeurbanne. Ce serait super attractif. Après, est-ce qu'il a la volonté de le faire? C'est compliqué à dire. Juste sachant qu'on a parlé de ces deux sports, de ces deux sports, presque, justement, c'est un lapsus. C'est presque deux sports différents. Deux grandes compétitions que sont la NBA et l'Euroleague. Une petite question. Est étayé par une déclaration, celle de Luka Doncic, dont on a pas mal parlé cette année de Dallas, qui a dit que pour lui, pour moi, c'est plus facile de scorer en NBA qu'en Europe. Là-bas, le terrain est plus petit et il n'y a pas la règle des 3 secondes en défense, donc je pense que c'est plus facile de marquer ici. Effectivement, on parle très peu de Euroleague, qui est pour le coup la division de la défense, alors que la NBA est portée sur l'offensive. En Euroleague, quel est ton avis, Jules? En Euroleague, en Euroleague, on voit souvent des défenses de zone, ce qu'on voit. On commence à le voir de plus en plus avec l'internationalisation de la NBA, mais qui mettent en difficulté les attaques. Et c'est vrai que en NBA, il y a plus de largesse défensive. On laisse plus d'espace aux joueurs. Donc je pense que Luka Doncic a raison. Il connaît très bien, vu qu'il a été MVP de l'Euroleague l'an passé, malgré son jeune âge. Ça peut faire l'objet d'un bon débat ou d'un bon duel prochainement. Voilà, je lançais un pavé dans la mare, comme on dit. Décidément. Le cyclisme, d'ailleurs, Romain, tu peux continuer là-dessus. Grosse semaine, donc, effectivement. Éviter de parler quasiment de Julien, surtout qu'on va parler beaucoup tout à l'heure. C'est ça, donc je vais tourner sur d'autres questions, même si forcément on va l'aborder. Semaine italienne, tout d'abord, très très rapidement, parce que l'événement, c'était le monument, c'était Milan-San Remo. On s'était arrêté à la veille de la fin du Tirreno Adriatico, qui est une des courses aussi majeures du World Tour, qui a été remportée. Petite surprise quand même au vu du classement avant cette étape, lors du contre-la-montre final, par Primoz Roglic, pour seulement une seconde devant Adam Yates. Ça a dû faire très mal aux Britanniques de l'équipe Scott. Et très belle victoire pour Roglic. Après, qui me permet de vous poser une question, justement. Roglic fait de son objectif le Giro. Est-ce que vous pensez qu'avec ses victoires successives en ce début de saison, il est un des grands favoris du prochain Giro? Alors, un des grands favoris... Ouais, je veux dire, un des favoris, grand favori, je ne sais pas si grand je le mettrais, mais un des favoris, c'est certain. Primoz Roglic, c'est un coureur qui est complet, il est bon en contre-la-montre, il a de très bonnes capacités en montagne. C'est un bon descendeur aussi, d'ailleurs. C'est un bon sauteur à ski aussi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est sa jeunesse au ski en Slovénie. Grand sportif, en doit bien l'aider en descente. Mais non, effectivement, en plus, je pense qu'il a le profil pour aller. Remporter le Giro, je me rappelle plus exactement du parcours, mais bon, ces dernières années, le parcours était très montagneux et très, très difficile. Donc, pour moi, Roglic fait partie des favoris pour la victoire finale, bien sûr. Effectivement, au même titre notamment que Dumoulin et Bernal. Et j'en viens donc à notre événement, l'événement donc de cette semaine, qui était Milan-San Remo. Milan-San Remo qui a été remporté par notre plus grand plaisir, par un Français, c'est le Cocorico du soir. C'était un des événements de la semaine sport, avec la victoire de Julien Alaphilippe sur la Via Roma. Julien Alaphilippe qui a clairement mérité sa victoire. Il l'emporte au sprint, mais il a animé la course, notamment dans le Poggio avec l'équipe de ce Quick Step, qui marche très très fort en ce début de saison, une nouvelle fois, j'ai envie de dire. Une des meilleures équipes au monde depuis 5-6 ans. Sur les classiques surtout, en général, ils se louent. Ils ont l'équipe pour les classiques, de toute façon. Et effectivement, donc, sur cette course, après une première tentative de Simon Clark, suivi par Anthony Turgis, c'est Julien Alaphilippe en personne qui est revenu sur ce duo, grâce notamment au gros travail dans son équipe de Stibar et Gilbert. Stibar et Gilbert, qui rendra peut-être l'appareil sur les Flandriennes. Il était claqué à la fin de la dernière ascension. Et ce qui montre effectivement que dans cette équipe, il y a vraiment une osmose et une capacité à se mettre derrière. Quand tu as la chance d'avoir Stibar et Gilbert pour travailler pour toi, il y a pas mal de coureurs. L'équipe Quick Step pour les classiques, c'est un truc de malade. On se retrouve au Stibar après. Et donc, Julien Alaphilippe, il faut le dire avant de vous poser une petite question, plutôt sur un autre coureur, sachant qu'on va parler de Julien plus tard, qui s'est imposé dans un groupe très très prestigieux. Donc il a réglé un petit groupe dans lequel il y avait, excusez-moi du peu, Peter Sagan, Alejandro Valverde, Matteo Trentin, Wout van Aert, Nyssen ou encore Kwiatkowski. Ça montre Nibali, la qualité du coureur. Nibali aussi, même s'il s'est montré un petit peu en retrait par rapport à sa performance de l'an dernier sur le podium. Ma question justement, c'était sur un homme qui n'a pas été sur le podium cette année, et ça a été un petit peu surprenant de mon point de vue, en tout cas au vu de la composition de ce groupe et de ses qualités au sprint. C'est Peter Sagan qui termine quatrième derrière Oliver Nyssen et Kwiatkowski. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est surprenant ? Est-ce que c'est juste la course après 290 km qui peut nous offrir ça ? Ou est-ce que ça vous inquiète un peu dans la perspective des prochaines classiques des Flandriennes qui seront le premier gros objectif du début de saison de Peter Sagan ? Non, moi ça me rassure parce que ça prouve qu'il est humain, pour commencer. Ouais. Et après. Faut pas nous inquiéter, ça fait les affaires de nos Français. Mais moi je pense que. Moi je pense qu'il va vraiment perdre au fil de l'âge ses capacités en sprint, et qu'il faut qu'il se mue justement. À l'image de ce qu'avait fait Tore Schoft dans sa fin de carrière, il grimpe très bien. Il grimpe très bien pour un sprinter. En tout cas, c'est un puncher, même je trouve. Ouais, je pense que c'est un puncher même maintenant. Tore Schoft, en tout cas. Ah, oui, ça c'est sûr. Je pense que c'est un puncher et qu'il faut qu'il change un peu son style. Et à mon avis, je pense que dans les sprints de massifs, il va avoir du mal maintenant face aux plus jeunes et tout. Et je pense qu'il va perdre un petit peu de cette giclette qui faisait sa force dans les années antérieures. Après, Sagan dernièrement, il allait gagner les maillots verts du Tour de France sur des petits points cherchés par-ci par-là. En partant justement devant dans la montagne et en allant grâce à ça. Parce que je pense que maintenant, les sprints. Sinon, au sprint, c'est les Allemands. C'est Kettel et Greppel, tout ça. Ouais. Et bon, après, il faut aussi dire qu'il est des fois difficile d'être prêt à Milan-San Remo et aussi sur les Flandriennes. Donc bon, il faut voir aussi ses objectifs à quelques semaines près. Le pic de forme peut se jouer. Il peut gagner par Roubaix, par contre. Ce qu'il a fait d'ailleurs l'année dernière. Il a vraiment le profil pour continuer à gagner Paris-Roubaix. Et un autre coureur juste, à l'inverse, c'est Nyssen, Oliver Nyssen, avec l'équipage G2R, équipe française. Je le mets en lumière. Qui allait chercher une superbe deuxième place, que je ne voyais pas forcément venir, qui montre qu'il a aussi des qualités pour régler un petit groupe et qu'on reverra sans doute aussi sur les Flandriennes. Peut-il en claquer une cette année? C'est tout à fait possible. Après, le travail qu'il avait fait pour Romain Bardet dans le dernier Tour de France, en tant qu'équipier, c'était hallucinant. Notamment dans les étapes de bordure et tout, c'est vraiment un super coéquipier. C'est un coureur très complet et il peut gagner une classique, peut-être l'Amstel Gold Race. Ouais. Ça sera c'est en fin de saison, du coup, ça, en plus, Limestyle. Non, c'est avant. C'est après les grosses classiques, non? C'est la première des Ardennaises. Devant la Flèche Wallonne. Ouais. C'est le triptyque Ardennais devant la Flèche Wallonne. Ça démarre aux Pays-Bas et ça finit en Belgique. Exactement. Ok, j'aurais battu par les croyants. Mais si, on a remis les choses à plat. Je vais terminer avec les autres sports. C'est moi qui m'y colle un peu ce soir, parce que normalement, c'est Romain. Mais du coup, ce soir, je vais vous parler de trois sports différents. Donc, du hand, du biathlon et du patinage artistique, évidemment. Ah, voilà, heureux. Oui, pourquoi, pour le hand? Non, pour le patinage. pour le patinage et le biathlon, quand même. En tant qu'amateur des sports. Bien sûr. On va commencer avec le hand féminin, avec la Golden League. La Golden League, si vous ne connaissez pas, c'est une compétition internationale amicale créée en 2012 à l'initiative de plusieurs fédérations, donc danoises, françaises et norvégiennes. Elle est organisée donc chaque saison chez les femmes et chez les hommes. Et elle se déroule donc en trois étapes, hein, donc chez chacun de ces trois pays. Et donc là, cette semaine, c'était en France. Et la France, l'invité, parce qu'il y a toujours un invité pendant chaque étape, c'était la Roumanie, donc. Et c'était à Clermont, en France, et une victoire donc, des Françaises 28-18 contre la Roumanie pour leur premier match. Mais c'est une équipe de France donc parue très affaiblie pour leur deuxième match contre le Danemark, défaite 25-22. Un score qui reflète tout de même pas trop la réalité, tant les Bleus ont été en difficulté. Et une défaite également dans le dernier match contre la Norvège 24-22, mais où les Bleus ont tout de même montré un meilleur visage dans ce dernier match. Donc c'est quand même une compétition importante, la Golden League en handball, même malgré que ce soit un peu amical. C'est une compétition qui mérite son attention, même chez les hommes, autant chez les hommes que chez les femmes. D'ailleurs, chez les hommes, je vais passer chez eux donc en Champions League, la Coupe d'Europe de hand. On est alors donc des huitièmes de finale de la Champions League de hand qui se succédera à Montpellier cette année. Encore deux représentants français, le PSG en quart, qui est donc déjà qualifié puisqu'ils ont fini premier de leur groupe en phase de poule, et Nantes qui affronte donc en huitièmes de finale un gros morceau avec les Allemands de Rhein-Neckar. Les Nantais se sont inclinés au match aller 34-32, mais en Allemagne. On a donc raison de penser que les Nantais peuvent quand même le faire au retour dans le Hall XXL cette semaine. Donc, ça peut peut-être le faire. En plus, moi, j'ai eu un peu la chance d'avoir PSG Nantes en championnat. Bon, alors là, par contre, c'était vraiment une fessée. Ouais. Un peu comme Montpellier, d'ailleurs. C'était vraiment vilain. Mais par contre, ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence. Au niveau défensif, il y a quelque chose aussi. En fait, ce qui pêche un peu, je pense, c'est les gardiens. Parce que Dumoulin n'est pas là. Et je pense que ça leur fait un peu mal. Depuis la compétition. Mais ils peuvent le faire. Hein. En plus, Rhein-Neckar, c'est pas non plus le dernier en Allemagne. Donc, c'est clair. C'est vraiment un gros, gros club. Et au niveau des grosses surprises, dans les autres matchs, il n'y en a pas trop, excepté peut-être les Polonais de Kielce, qui est aussi un mastodonte, qui a fait match nul contre le Motor Zaporozhye, les Ukrainiens, qui ont quand même été habitués aux poules basses dernièrement en Champions League. C'est d'ailleurs le vainqueur de ce match qui affrontera le PSG Handball en quart de finale. Donc on peut dire que le PSG a relativement de la chance sur ce coup-là. Quant à Nantes, s'ils arrivent à se sortir de Rhein-Neckar, ils affronteront rien d'autre que le Barça en quart. Donc moins de chance pour les Nantais. Ce qui était le match qu'avait joué Montpellier l'année dernière. Oui, en effet. En biathlon, total roue libre, si je peux dire ainsi, pour les biathlètes français dans ce dernier week-end de biathlon à Oslo. Quentin Fillon-Maillet a sauvé l'honneur sur le sprint avec une troisième place. C'est une septième et une huitième place pour Destieux, mais j'ai plus son prénom. Simon, ouais, c'est ça. En master et en poursuite pour clôturer cette saison donc de biathlon. Félicitons toi-même ces deux hommes, Quentin Fillon-Maillet et Simon Destieux, qui ont terminé à la troisième et quatrième place du classement en Coupe du Monde, donc pour le globe, ce qui est quand même une belle saison. C'est vrai que Quentin Fillon-Maillet, il pouvait même avoir le petit globe de cristal sur la dernière course. S'il finissait devant Johannes Bö qui malheureusement a été intouchable cette année. Le premier, c'est Johannes Bö qui a clôturé son énorme saison chez lui, donc à Oslo en Norvège. De sa carrière. Il marche sur la neige. Trois victoires en trois courses ce week-end, juste ça. Chez les féminines, quatrième place de Célia Emonier chez les Françaises en sprint. Puis après une septième place de Julia Simon en Mastart, chez les favorites, Kuzmina s'impose à deux reprises et prend la troisième place du classement général dominé par les Italiennes cette année. Vitozzi deuxième et Virer premier. Et qui prend d'ailleurs son premier gros globe cette année, donc belle performance de l'Italienne. Ouais, super performance de Dorothea Wierer, effectivement, qui avait jamais remporté le globe, qui a toujours été une des grandes biathlètes du circuit, et dans une année extrêmement ouverte, hein, jusqu'au dernier week-end, ça pouvait jouer entre 3 avec le retour de Kuzmina sur la fin de la saison, et qui a d'ailleurs bien fonctionné ce week-end, et Vitozzi, et donc voir deux Italiennes aux deux premières places, c'est une magnifique performance pour ce pays, sachant que jamais une Italienne n'avait remporté le général de la Coupe du Monde de biathlon. Et ça fait un doublé cette année. Donc, magnifique performance des Italiennes. On attend que nos Françaises, la saison prochaine, nous fassent de même. Bah, d'ailleurs, en parlant de Français, là où ils ont réussi, c'est en patinage artistique. Mais bon, c'est un peu du classique maintenant. Les Français, donc Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, ont remporté leur 4e titre mondial en 5 ans. C'était ce samedi à Saitama. Il ne faut pas banaliser, justement. Donc, non, c'est clair. Non, ouais. Il et elle donc, avaient une très confortable avance à l'issue de la danse rythmique de vendredi, avec 4,48 points sur leur plus proche poursuivant, donc les Russes Sina Katsalapov, je le prononce plutôt bien, je pense, et possédait donc le plus haut score de la saison sur la danse libre, 133,19 points au championnat d'Europe. Les Français donc l'ont encore amélioré, 134,23 points pour un total de 222,65 points, les scores confirmant l'écart entre eux et le reste du monde depuis donc la fin de carrière du duo canadien Virtu et Moir, qui était champion olympique en 2010 et 2018. Donc grosse performance des Français dont on attend encore j'allais dire plus, parce que non, ils peuvent pas aller plus haut qu'on est champion de championnat du monde. Ils peuvent continuer à relancer, on va dire. Si, je pense que leur objectif maintenant, ça va être effectivement les prochains Jeux Olympiques, d'aller chercher la médaille d'or, et il leur reste plus que ça comme objectif, mais on sent qu'ils sont toujours aussi motivés après 4 titres mondiaux, donc c'est magnifique. C'est fort. Sur la petite déception du week-end, c'est Morgan Cyprès et Vanessa James qui terminent seulement 5e en couple, mais 3e du programme libre après un programme court difficile. Et juste pour signaler une performance, c'est Nathan Chen qui a remporté porter le titre devant le champion olympique du Zoro Agnew. Du classique, oh, oui, Nathan Chen, a gagné plusieurs fois, mais est américain et allait battre Yuzuru Hanyu, qui a fait pourtant un super programme libre sur ses terres à Saitama au Japon. C'était quand même pas rien. Parfait, on a fini avec les résultats de la semaine. On passe à d'autres résultats, mais cette fois-ci, c'est les sports montpelliérains. Sport and Chill, le sport montpelliérain. Et le bilan est le même que la semaine dernière, 7 victoires, 0 match nul et 2 défaites pour le sport. Je crois qu'ils ont fait exprès. Ouais, c'est parfait pour nous. Au niveau des victoires, on voyait très rapidement, c'est le MWP, donc victoire pour ce dernier en saison régulière à la maison, dernier match pardon, en saison régulière à la maison. Victoire 13-11 contre Tourcoing-Lille, c'était à Antigone. Une victoire importante car Lille, Tourcoing est quand même leur concurrent direct pour la 4e place qualificative donc de ces playoffs. Alors là, on n'est pas sûr entre nous sur s'ils sont qualifiés ou pas, à vérifier. Le MWP tout de même 4e, ça c'est sûr, devant donc les Lillois. Il reste 2 matchs à l'extérieur pour Montpellier, un déplacement compliqué à Noisy, le Sec, les 6e, et un autre plus facile tout de même à Reims, qui sont avant-derniers. Ouais, bon, ça. Donc normalement, a priori, ça devrait le faire, ouais. Mais apparemment c'est déjà sûr qu'ils sont en phase finale, mais à vérifier du coup. Le MMF Montpellier Méditerranée Futsal s'est imposé ce samedi devant Toulon en Coupe de France, c'était en quart de finale. Bel exploit. C'est un bel exploit, pourquoi? Parce que c'était les deuxièmes D1. C'est les deuxièmes de D1 qui sont... Montpellier a réussi à mener tout le match à peu près, ils ont mené 2-0, pour finalement se faire rattraper. Ils n'ont pas gagné à l'arrache, quoi. Ouais, ils se sont fait rattraper sur la fin, et ils ont quand même réussi à gagner au tir au but en éliminant les favoris toulonnais. Donc voilà, en quart de finale, ils passent donc en demi-finale. Donc pourquoi pas gagner une petite coupe et remonter en D1, ça serait quand même une belle saison. Ça ferait vraiment une belle saison. Toujours du foot, mais cette fois-ci du foot à 11, et chez les féminines, MHSC féminin, victoire minimale, hein, donc 1-0 contre Guingamp, victoire assurée d'une tête rageuse donc de Valérie Gauvin pour les Montpellierennes. Il reste donc 3 matchs pour les féminines qui vont tranquillement finir leur petite saison. Le BLMA, match ultra serré entre Basketland et le BLMA, Montpellier s'impose 51-50 dans les derniers instants, avec notamment un échec à la fin de la meneuse Céline Dumarc qui paraissait pourtant ouverte sur son shoot. On va nous habituer à les rentrer, ces shoots là Et, ouais, c'est vrai, et au final, elle loupe celui-là, a noté le 20% au shoot, pourcentage au shoot des gazelles en deuxième mi-temps. Donc un petit score 51-50. Oui, c'est pour ça qu'il y a un score relativement serré. C'est pas les scores de NBA. Surtout qu'on en a parlé il y a deux semaines, un score du Belema qui était à 110 ou 114. Qui était un record de et France. Et là, 51-50. Offensivement, elles ont eu du mal. Ouais. Mais elles restent tout de même à leur troisième place avec cette victoire collée donc aux deux premières, Lyon et Bourges. L'important, ce sera surtout de gagner jeudi au match retour contre les Espagnols de Girona. Parce que oui, en effet, elles ont gagné cette semaine en Espagne. Elles ont fait un grand pas vers la finale de l'Eurocoupe, donc ce jeudi 21 mars à Gérone, en battant donc les Catalans sur leur terrain en demi-finale, donc aller de cette compétition sur un score de 69-66, un résultat qui reflète mal tout de même la domination du club de l'AT Montpellier tout au long du match. Les joueuses héroltaises sont allées jusqu'à mener de 18 points aux abords du dernier carton. Elles se sont fait rattraper sur la fin, ce qui est dommage parce que encore une fois d'ailleurs. Ouais, c'est dommage parce que si elles étaient restées un peu plus sérieuses entre guillemets, elles auraient un plus gros matelas pour le retour. Donc à suivre ce jeudi. Parce que là, au final, il y a seulement 3 points d'avance, il y a tout qui est possible. Hein. Ouais. Ça sera donc le retour à domicile ce jeudi. Enfin, dernier résultat, victoire, celle des Vipers 4-3 contre La Roche-sur-Yon dans ces play-offs de descente, les mêmes qu'ils affronteront à domicile cette semaine. Les deux défaites, on va en parler juste après avec le focus MHB, mais il y a une autre défaite, c'est le volley et une fin de série pour les Montpellierains, tombés sur de redoutables Corses, Ajaccio, qui est tout simplement irrésistible en 2019. Samedi soir donc à Montpellier, les deuxièmes du championnat et invaincus dans leur salle en 2019. Le club corse s'est imposé 3-7-1, mais Montpellier garde tout de même sa deuxième place au classement et bien très bien classé pour les playoffs qui arrivent. C'est vrai qu'à l'aller, Montpellier est allé gagner 3-0 là-bas. Donc je pense que les Ajacciens avaient à cœur de venir gagner ici et ils sont en pleine forme. Je crois qu'ils sont montés 3e. Ah ouais, là, ils sont juste derrière Montpellier. Ils sont 3e, voilà. Donc ça va faire une belle fin de saison et des beaux playoffs pour Montpellier. J'espère qu'ils vont aller au bout cette année, parce que ça n'a pas été le cas ces dernières années, mais pourquoi pas cette année. Voilà pour les sports montpellierains. On va finir donc avec le focus de la semaine. Un petit focus sur les MHB que j'avais oublié la semaine dernière. Je suis désolé, mais c'est parce qu'il y avait des mauvaises performances. Malheureusement, il y a encore des mauvaises performances cette année. Et encore, c'est un euphémisme dire de mauvaises performances. Bah oui, parce qu'après la défaite contre Paris en finale de la Coupe de la Ligue, on espérait que le MHB serait un peu remis sur les rails. Et pas du tout, malheureusement. Il subit son troisième revers en championnat de la saison. En plus, dans l'antre de Bougnol. À noter quand même l'efficacité offensive à pointer du doigt, parce que l'efficacité au tir inférieure à 50% à la pause. Et aussi les gardiens, Vincent Gérard 2/20 au niveau des arrêts sur le match, et Nicolas Portner 3/17. Bon, à part ça, peut-être... C'est joli, hein. Ouais, c'est pas du beau. Hein. Compliqué de gagner un match, en ce cas. Bon, peut-être les quelques satisfactions qu'on peut avoir, c'est un peu le sursaut d'orgueil, parce que Montpellier a été mené un peu tout le match. Il y avait 14-12 à la mi-temps. Ils essaient de revenir un peu, mais on pense que ça va aller mieux au retour de la mi-temps, et puis pas du tout. Et puis après, ils reviennent, et puis Richardson porte qui font le travail. Vilmino aussi, qui vient de prolonger jusqu'en 2023. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, ça. Ouais. Et à part ça, sinon le calendrier, ça va être quand même compliqué pour Montpellier, parce qu'il va falloir garder cette deuxième place, en sachant que les prochains matchs sont Dunkerque à l'extérieur, Toulouse à domicile, donc déjà deux bonnes équipes quand même du championnat, Chambéry extérieur de la Coupe de France, donc là il va falloir gagner, parce que c'est le seul qui reste peut-être. S'il n'y a pas de Coupe de France, c'est vraiment une année noire pour Montpellier, et après quand même Paris à l'extérieur à la suite de la Coupe de France, donc ça peut, s'ils ne se remettent pas un peu dedans, ça peut sentir la série noire pour Montpellier. Donc je posais la question un peu, à savoir est-ce que c'est pas un tournant de la saison pour Montpellier s'ils veulent réussir à peu près leur saison, quoi. Ah ouais, je pense que assurément c'est un tournant, cette défaite notamment contre Ivry, personne la voyait venir, bon, même si on a fait quelques impairs déjà cette saison. Je pense que vraiment Montpellier avait tout dans ses mains désormais pour aller au moins chercher la seconde place en championnat. Au vu de notre championnat de France et de l'expérience de Montpellier en championnat, s'ils finissent pas deuxième et qu'ils laissent échapper ce qu'ils sont partis pour faire, ce sera déjà une première déception, surtout que l'année dernière on avait eu à cœur De se dire que, qu'on essaierait de faire une belle performance en championnat, sachant que ce championnat nous avait échappé de très peu sur la fin. Et donc, un objectif maintenant pour nous, ça va être véritablement cette victoire en Coupe de France, qui me semble désormais impérative et qui, en plus, est de mon point de vue tout à fait à notre portée. Donc, j'espère qu'on va en faire un objectif et que la bande à canailler va se préparer le mieux possible, et notamment défensivement. Il va falloir que nos gardiens et notre défense soient véritablement à un autre niveau pour aller chercher cette coupe. Après, c'est sûr que c'est collectivement que de toute façon il faut remettre en cause, mais moi j'avoue que j'ai un peu de mal, et on en parlait un peu en off avant l'émission, mais Gérard, les performances en ce moment, elles sont pas non plus au top, et c'est quand même un cadre de l'équipe. Alors, est-ce qu'il a déjà la tête à Paris, parce que l'année prochaine il signera? Ça s'est vu un petit peu l'année dernière, tout même, ça commençait à sentir le roussi, où Portner commençait à prendre un peu plus sa place. Malheureusement, cette année, il est encore moins dedans, et Portner n'arrive pas à prendre cette place de numéro 1. C'est la responsabilité. Ouais, même si j'ai quand même plus de mal à critiquer Vincent Gérard sur la saison dernière, quand même, qui, au vu de la tournure de la saison de Montpellier. Oui, ça a quand même été un joueur important en Ligue des Champions. Pas mal de matchs, mais cette année, c'est vrai que c'est plus compliqué. Ce que je te dis, Flo, mais bon, je pense qu'il faut pas non plus lui faire un procès sur la saison dernière. Sur cette saison, par contre, il est clair qu'il n'y est pas, et que même si la faute est collective, c'est un joueur cadre, c'est le gardien de l'équipe de France actuelle. Et donc, le voir à ce niveau-là, c'est inquiétant, et c'est décevant pour la dernière saison. Il a fait l'objet de critiques, tout de même. Même au mondial, Donc effectivement, c'est un des points noirs de cette saison, et sur certains matchs, n'a pas aidé à tourner dans notre faveur. Le problème ici, c'est peut-être aussi, pour une fois, la gestion du MHB sur les goals, qui était assez catastrophique, parce que il y a Portner qui cherche à avoir sa première place, forcément, parce qu'il sait très bien que Gérard va partir. Le problème, c'est que là, Montpellier vient de recruter Sego, donc le gardien croate, donc autant dire que la première place, ça sera pas à lui, et quelque part on explique à Portner qu'il sera encore numéro 2. Oui, et même plus que numéro 2, puisqu'il y a 2 ans, ils avaient recruté également Kevin Bonnefoy, qui venait de Rennes, de Cesson Rennes, et qui a été prêté donc là à Toulouse. Donc au final, on lui fait comprendre que peut-être il n'a pas tout simplement sa place à Montpellier, alors qu'il n'avait même pas encore prouvé. Donc au niveau de ça, je trouve ça que c'est un peu dommageable pour le mauvais management, quoi. En effet. D'ailleurs, on va terminer sur ce point-là. Désolé, ce petit point négatif en fin de Sport Montpellierain. On va passer à notre première pause musicale. On est bien en retard, on est désolé. C'est le titre Freedom de Django Unchained, le film. Et on se retrouve tout de suite après pour le débat en direct live. On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth I discover, no telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I had. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, knows it's a push for moving on. In time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Sun tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom. Oh, and I found it, cost me everything I De retour sur Sport and Chill, c'était Django Unchained avec le titre Freedom. On passe tout de suite au débat de la semaine. Sport and Chill, le débat de la semaine. On va parler donc le débat de la semaine, ça sera plutôt les débats de la semaine, les mini débats de la semaine. Donc un sur Julien Alaphilippe, on va reparler un peu de cyclisme très rapidement, et sur le rugby, les prospectifs pour la Coupe d'Europe de rugby. On est d'ailleurs en live vidéo sur Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Romain, je te laisse commencer un peu sur le cyclisme. Ouais. Avec deux petites questions que j'aurais à vous poser autour de la star du cyclisme français actuel, on peut le dire, Julien Alaphilippe, qui a remporté Milan-San Remo. On n'avait pas parlé de lui jusque-là, donc c'est le moment d'y venir, hein. C'était quand même lui qu'il fallait mettre en lumière sur cette course, révélé tout d'abord sur les classiques ardennaises Amstel, Flèche, Liège-Bastogne-Liège. Julien Alaphilippe a passé un véritable cap l'an dernier en allant remporter au mois d'avril la Flèche Wallonne sur le terrain du jeu du futur champion du monde Alejandro Valverde et recordman de l'épreuve. Dans la suite de sa saison, il s'est montré toujours plus prolifique en éclaboussant de sa classe le Tour de France, remportant deux étapes et ramenant le maillot à poids de meilleur grimpeur sur les Champs-Élysées, alors qu'il n'en faisait pas un objectif au départ de l'épreuve. Il remporte également d'autres belles courses d'ici à la fin de la saison et termine sur un top 10 au championnat du monde, sans doute émoussé, mais où il a montré qu'il était capable d'être un leader aux côtés de Romain Bardet et Thibaut Pinot. Cette saison, à nouveau, la saison est repartie très fort, 7 victoires déjà pour Julien Alaphilippe, une belle victoire notamment au Strade Bianche, 2 victoires la semaine passée sur Tirreno Adriatico, dont une au sprint qu'on voyait pas forcément venir et qui prouve toute sa polyvalence. Et enfin donc Milan-San Remo avec une maîtrise tactique notamment assez impressionnante et où il a montré qu'il était à la fois très bon sur les bosses et capable de régler un petit groupe. Il est désormais depuis ce lundi numéro 1 mondial devant deux beaux coureurs, j'ose le dire, Alejandro Valverde et Primoz Roglic. Ça faisait longtemps qu'un Français n'était pas arrivé là. Alejandro Valverde, il le dit. Hein. Ah ouais, ça fait longtemps, beaucoup. Ah oui, mais en même temps, je vais y venir. Julien Alaphilippe et Alejandro Valverde, ce sont deux coureurs, du moins sur leur style et les courses qu'ils peuvent viser, qui se ressemblent beaucoup. Ouais. Et du coup, j'en viens justement à ma question pour vous. On va avoir deux niveaux. Tout d'abord, je vais vous demander tout simplement, sur cette saison, quels sont pour vous les objectifs de Julien Alaphilippe? Et donc je vous précise la question qui suivra pour pas qu'on anticipe trop, sera ensuite quels sont pour vous les objectifs de carrière à moyen long terme pour Julien. Donc tout d'abord, quels sont pour vous les objectifs de cette saison? Moi j'avais mis justement confirmer ses performances sur les Ardennaises, à voir sur lesquelles en particulier. Tu peux, au pire tu peux laisser nos chroniqueurs réagir et après ça sera à toi, Romain. Ouais. Il veut dire avant, tu sais, parce qu'il sent qu'il n'y a plus trop de temps, alors Romain... Non, en fait je veux pas qu'on en vienne forcément trop vite sur le Tour de France et je sens mon Alex, voilà. C'est non, mais justement réagissez. Quels objectifs pour vous cette saison? Tu pourras réagir pour Julien. Bah moi je pense qu'il peut gagner la Flèche Wallonne évidemment, Liège-Bastogne-Liège aussi, l'Amstel je le mets dedans. Bon, Paris-Roubaix non, c'est pas son profil. Tour des Flandres. Il a tout gagné en fait. Bah Tour des Flandres je dirais non, mais bon, enfin non, je pense pas quand même, après tout, on sait jamais. Et pourquoi? Pourquoi non? Ah, par rapport à d'autres. Bah parce que je pense que c'est plus quand même pour des profils un peu plus rouleurs. Par exemple un Peter Sagan ou même le Danois, Sorensen. Sorensen, ou celui qui a gagné l'Amstel l'année dernière, j'ai oublié son nom. Mais... Ah, Valgren. Ouais, Valgren, voilà. Ouais. Mikael Valgren. Shastana, un profil plutôt comme ça, je pense que pour Alaphilippe, pour le Tour des Flandres. Après les autres, oui et non. Surtout pour le moment, on parle de cette saison. Oui, puis la Classica San Sebastian, le Tour de Catalogne, etc. etc. Si on se met à la place des adversaires de Julien Alaphilippe, c'est compliqué là, en ce début de saison. Il voit qu'il peut gagner partout. Quand ça monte, des contre-la-montre, sur le plat aussi. Donc c'est je me mets à leur place, ça va être compliqué pour eux. Est-ce qu'il va doubler du coup Giro et Tour de France ou pas? Non, justement, non, il participera au Tour de France. Pas, ouais. Il va pas au Giro, je crois. Il peut pas forcément courir partout. Justement, tu disais Tour de Catalogne qui démarre cette semaine, il n'y est pas. Il a pris un break et reprendra justement la compétition autour du Pays Basque, je crois. Oui. Après, c'est un peu le même profil. C'est ce genre d'état de course d'une semaine où il y a des massifs de moyenne montagne où il peut gagner. C'est ça que je voulais dire aussi. Donc ouais, effectivement, moi c'était plutôt sur ces deux registres là, sur cette saison. Est-ce que les beaux objectifs de Julien Alaphilippe, ce serait pas les classiques, la Flèche Wallonne rééditer sa performance, Liège-Bastogne-Liège aller enfin la remporter en fin de saison, pourquoi pas le Tour de Lombardie, ou encore des courses par étapes d'une semaine. On sait que notamment aussi il s'alignera sur le Dauphiné à quelques semaines du Tour, où il y aura un beau plateau malgré tout face à lui. Ouais, c'est vrai. Après le Dauphiné c'est un peu plus dur aussi quand même. Et donc pour toi? Maintenant, je te laisse répondre. Pour moi, effectivement, je reste quand même assez persuadé que, au-delà de toutes les qualités et tous les terrains où on peut gagner Julien Alaphilippe, ça reste surtout un coureur de classique, surtout si on se fixe sur cette saison. Donc, moi, les objectifs que je le verrais bien réaliser, c'est aller remporter Liège-Bastogne-Liège. Si on se prête à rêver, je dirais être capable de refaire le triptyque Ardennais, donc remporter l'Amstel, la Flèche et Liège, comme seulement deux coureurs ont été capables de le faire par le passé, Philippe Gilbert en 2011 et David Rebellin en 2004. Ça, je pense qu'il peut le faire. Ouais. Et ça, je pense qu'il il en est capable. Il a la capacité et tout. Ouais. Et ensuite, effectivement, sur la deuxième partie de saison, deux temps, sachant que c'est pas du tout les mêmes mois de compétition, mais aller chercher à nouveau un maillot de meilleur grimpeur sur le Tour et remporter à nouveau au minimum une étape. Et puis pourquoi pas, mais là ça dépend beaucoup de la fraîcheur en fin de saison, le Tour de Lombardie. Pour moi c'est ça sur cette saison. Et ensuite je voulais faire réagir notamment par quelque chose qui a fait discuter sur notre groupe du Café du Commerce, c'est lorsqu'on pense à moyen long terme, quels pourraient être pour Julien Alaphilippe de beaux objectifs, qu'est-ce que lui véritablement a envie de faire, ça c'est notre question, on n'est pas dans sa tête. Donc vous de votre côté justement, où vous le verrez, je sais que Alex a évoqué le fait de jouer le Tour, jouer le général des courses de 3 semaines et pourquoi pas donc un podium. Qu'en pensez-vous? Je te laisse peut-être déjà donner ton avis. On lui avait posé la question, il me semble, sur le plateau de Stade 2 à la fin du Tour de France. Sur le plateau de Sport & Chill. Un petit mois. Un an ou deux. Mais en fait, moi je pense qu'il peut gagner le Tour de France. Alors bien sûr, pas demain ni après-demain, mais comme je l'ai dit, je crois qu'il a 26 ans. Dans 3 jours? Non, mais je vais te donner un chiffre. À 31 ans, 32 ans, si après, bien sûr, il faut aussi qu'il travaille pour ça, qu'il change un petit peu, mais à l'image d'un Geraint Thomas, je pense qu'à 31 ans, 32 ans, il a les capacités physiques pour pouvoir gagner le Tour de France, à condition, bien sûr, qu'il se prépare uniquement pour ça. Donc, un petit changement de morphologie, etc., plus d'entraînement haute montagne et tout, voilà. Mais je pense qu'il peut le faire. Ouais, il pourra avoir une carrière à deux étapes. D'abord, les classiques. Qui peut encore continuer jusqu'à, on peut dire encore 3 ans, et après vraiment se concentrer sur les grands tours, à voir ce que ça peut donner s'il travaille exclusivement sur ça. Regarde Wiggins, c'était un pistard, il a gagné le Tour de France. Très rapidement, avec toi Romain, sur cette question-là. Mon avis rejoint plutôt justement celui de Paul qui avait réagi à ton commentaire. Moi, je suis pas sûr que Julien Alaphilippe soit forcément intéressé par cela. Je trouve que c'est très français et ça se défend parce que le Tour de France est la plus haute course. Qu'il n'est pas forcément pour moi un coureur de course de 3 semaines et surtout, après on verra les choix de carrière qu'il fait, ça dépendra vraiment de ses choix de carrière. C'est lui qui aura envie ou pas. Je suis pas sûr que dans le cyclisme moderne on puisse tout faire et je suis pas sûr non plus qu'il soit dans une équipe en mesure, malgré sa qualité exceptionnel d'accompagner un coureur sur une course de 3 semaines et jouer que celui les transferts, à la ça fois. Se fait. Ouais, Après, quand il aura 32 ans, ça fait quelques années quand même. Hein. On verra. En tout cas, Julien Lafilippe est quand même un coureur jusqu'à présent fidèle à l'équipe Quick-Step, qui sera pas forcément facile à débaucher, ne serait-ce que sur le plan financier. Certains ont posé la question d'une arrivée de Julien Lafilippe dans une équipe française. Ça me paraît déjà, par exemple, hautement improbable. Ça serait pas bien pour lui en plus. Et moi, pour Julien Lafilippe, déjà, je lui souhaite effectivement une carrière comme les plus grands chasseurs de classiques. Et je pense qu'avec lui, on a peut-être un des coureurs capables de remporter les 5 monuments, à savoir Milan-San Remo, il l'a fait, Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres, pas maintenant, mais plus tard, je crois qu'il peut le faire, le Tour de Lombardie, très certainement dès aujourd'hui. La seule inconnue, finalement, c'est Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, ça va. Ou son DS, Patrick Lefebvre dit aussi lui-même que c'est la seule qu'il ne voit pas forcément remporter. Ah ouais, déjà, s'il en remporte 4 sur 5, ce sera exceptionnel. Là, c'est pareil, il faut qu'il change de profil, je pense. Et pour un grand tour, justement, pour juste donner celui où je le vois le mieux s'exprimer, ce serait justement sur la Vuelta, à l'image de Valverde en 2009. À l'image de Valverde. J'en parle beaucoup, mais parce que justement, je crois qu'il ressemble beaucoup plus à ce type de coureur. La concurrence est différente aussi parfois. Qu'à l'inverse, sur les pour terminer, sur une course comme le Tour de France, il faut être rouleur grimpeur, et même s'il fait des performances en chrono. Je pense que Julien Alaphilippe, ce sera pas un Egan Bernal par exemple qui risque d'aller rechercher le Tour de France. Mais pourtant, je l'aimerais bien. Merci pour cette conclusion sur Julien Alaphilippe et le cyclisme. On passe donc à la Coupe d'Europe, la prospective pour les quarts de finale. Je vais zipper un peu, une question sur un peu le fonctionnement général de cette Coupe d'Europe et nous consacrer au match précisément. Donc il y a Édimbourg Munster Racing contre le Stade Toulousain dans ce choc franco-français. Il y a aussi un choc irlandais entre le Leinster et l'Ulster. Et enfin, les Saracens contre les Glasgow Warriors. Au final, donc, 2 Écossais, 3 Irlandais, 2 Français et 1 Anglais. Première question, est-ce que les Écossais qui ont réussi quand même à placer 2 pions peuvent en quart créer une surprise? Donc, je le rappelle, c'est Edinburgh Munster et Saracens Glasgow. Edinburgh, oui, parce qu'ils reçoivent Glasgow chez Saracens, qui est quand même une grosse équipe depuis plusieurs saisons en Coupe d'Europe. Ça va être très très compliqué, j'y crois pas trop. Par contre, Edinburgh, même si pour moi sur le papier ils sont plus faibles que Glasgow, Munster c'est quand même moins impressionnant que dans la glorieuse année. Donc je pense qu'eux ils peuvent gagner puisqu'ils sont à domicile. Et pour vous aussi, c'est pareil? Ouais, après Edinburgh, ils étaient dans la poule de Toulon et de Montpellier. Ils ont profité des mauvaises performances des deux clubs français. Pour arriver à ce palier ici, ils sont 8e en Pro 14, la Ligue Celte avec les Sud-Africains maintenant. Ouais. Donc, les Italiens. Ouais, c'est ça. Donc c'est la Ligue. Voilà, on va dire que c'est pas l'équipe qu'on attend le plus ici. Après Glasgow qui est deuxième de ce championnat-là, qui fait vraiment le renouveau du rugby écossais. Ils ont que 2 franchises, donc c'est plus facile pour eux aussi d'avoir les meilleurs talents concentrés dans ces franchises-là. Ils s'appellent les Warriors, c'est apparemment ça d'actualité. Les Warriors. C'est Glasgow qui est le plus international écossais. À mon avis, on aura du mal à aller chercher les Saracens ou le Leinster cette année. D'ailleurs, est-ce que le Leinster est-il l'ultra favori de cette compétition? Non. Non. Moi, je pense. Pour moi, c'est le favori. L'ultra favori, non. Non, l'ultra favori, non, ouais. C'est-à-dire que pour moi. Quand je dis l'ultra favori, c'est le premier favori. Oui, pour moi, c'est le tenant du titre, C'est le tenant du titre, c'est aussi l'équipe la plus titrée avec le Stade Toulousain. C'est l'ossature, l'ossature de l'équipe d'Irlande qui beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur dans le jeu et qui fait peu de fautes et qui au final se retrouve souvent à jouer les premiers rôles. Et ils font encore une phase de poule très compétitive. Ils sortent pas premiers, justement, toutes poules confondues, c'est les Saracens, si je me trompe pas, qui le font. Mais aussi parce que le Leinster a la poule la plus relevée, soit cette saison, avec notamment le Stade Toulousain qui a bien surpris lors de cette compétition. Donc pour moi, le Leinster effectivement reste le favori en 2, et ça me fait pas forcément plaisir les Saris. Tu fais bien de parler donc du Stade Toulousain. On va quand même finir avec ce choc franco-français entre le Racing Métro et le Stade Toulousain. Donc qui serait pour vous donc le meilleur vainqueur pour représenter la France jusqu'au bout? C'est dur ça. Question compliquée. Moi je pense le Racing, parce que moi j'ai mis une petite pièce depuis le début de la compétition sur le Racing qui va gagner la Coupe d'Europe. Parce que tu ne démords pas. Je crois que si le Racing passe, le Racing recevra en demi-finale, alors que si Toulouse passe, Toulouse se déplacera. C'est ça. Ça peut jouer quand même. C'est aussi une grosse incidence en Coupe d'Europe, se déplacer ou recevoir. Puis, ils ont été deux fois en finale, deux fois. Je pense que ça peut être l'objectif numéro 1 cette saison par rapport au top 14 s'ils doivent faire un choix, je pense. Moi, je pense que c'est leur objectif vraiment cette année, la Coupe d'Europe pour le Racing. Après Toulouse, vu comment ils carburent en championnat. Toulouse, je dirais l'inverse, tu vois. Je pense qu'ils préfèrent gagner le top 14 et délaisser la Coupe d'Europe cette saison. Un choix à faire. Mais ils viendront quand même avec une grosse équipe, à mon avis. On aura un beau match. C'est sûr, un beau match dimanche. Le jour J, le Stade Toulousain ne fera pas de choix. Ils sont dans une superbe dynamique. C'est le club avec le Leinster le plus titré. L'Europe, c'est extrêmement important pour eux. Sinon, je suis d'accord. Mais ils ont la chance d'avoir un gros effectif. Ils ont deux équipes, mais je pense qu'à choisir, s'ils doivent privilégier, par exemple, genre un Tekori, tu dis, il faut que je le mette que sur un de deux matchs, je pense qu'ils le mettront plutôt sur le top 14 que sur la Coupe d'Europe. Là, ils ont la chance d'avoir un peu d'avance en top 14, premier. Je pense qu'ils seront dans les deux, sauf sur. À mon avis, les deux, on les connaît avec Clermont. Ils peuvent se permettre de lâcher un de faire tourner. Mais le Racing a aussi fait un peu tourner son équipe ce week-end contre l'UBB. Hein, donc ça montre aussi qu'ils sont, qu'ils ont vraiment envie de. Le Racing, je pense, c'est vraiment la Coupe d'Europe objectif numéro 1. Et sur cet aspect-là, effectivement, c'est même si on aura une magnifique affiche franco-française, ça met une petite déception effectivement d'avoir ces deux équipes qui se rencontrent dès les quarts de finale. C'est dommage. Ça fait toujours un petit peu mal, même si on sait qu'il y en a une du coup qui sera fatalement en demi-finale, mais parce que je pense que l'une comme l'autre ont quelque chose vraiment à faire valoir dans cette compétition. Et on parlait des deux favoris, enfin moi j'ai donné en tout cas pour ma part du Leinster et des Saracens, et je suis assez d'accord pour autant. Le Racing pour moi fait un très bel outsider. Troisième, ils ont un peu moins d'expérience que les Saracens ou les Leinster, mais ils ont fait déjà deux finales et ils ont une équipe très solide. Ça joue en plus. Voilà. La seule petite indication quand même à donner que j'ai lu un petit peu avant l'émission, c'est le fait qu'a priori Teddy Ribaren ne pourra pas jouer suite à le carton rouge direct au carton rouge direct sur Serein ce week-end. Ce sera le jeune Gilbert qui risque de jouer. Il a joué. Petite surprise. je crois pas trop. Je pense pas non plus. Ce qui serait quand même pas en plus. Un geste très heureux pour justement le jeune Racingman, et ils sont du style à mettre ses joueurs sur le terrain. Et donc son duel face à Dupont sera à suivre et peut être quand même un indicateur dans ce match, même si le Racing aura l'avantage du terrain. Et on sait qu'au rugby ça compte beaucoup, notamment en quart de finale de Coupe d'Europe. C'est sur synthétique. Parfait pour terminer ces deux mini débats sur rugby et cyclisme. On va passer à notre deuxième pause musicale. C'est par rapport à la remise de la Coupe du Monde qui avait lieu donc au Stade de France il y a quelques mois. Alors, vous en rappelez, je pense certainement. Et il y avait une petite chanson. C'est pas VG Dream, hein, je vous le dis tout de suite. Il y avait une petite chanson qui accueillait l'accueil des joueurs. C'est Chili Gonzalez avec le titre Smooth Red Mate. de retour sur Sport & Chill, c'était Chili Gonzalez avec le titre Smooth Rate Mate. Et on passe tout de suite à ce que vous attendez peut-être le plus aujourd'hui, c'est le duel. Et ce soir, un duel entre... Est-ce que je peux dire comme ça, expérimenté et un peu nouveau? Oui, novice. Novice. Mais le novice de la ressource, je pense, ce soir. Okay, on va parler donc de ce sujet. Est-ce que le MHR peut-il le faire en top 14? Quand je dis peut-il le faire, est-ce qu'il peut aller en phase finale de top 14? Ça va être notre question du soir. À noter juste qu'ils ont gagné ce week-end 24-14 à l'extérieur à Pau. Et Montpellier revient, alors si je ne me trompe pas, à 8 points de la 6ème place. Dans moins que ça. Moins non, que non, ça non, même. À 6 points de la 6ème place qui est Bordeaux-Bègles. C'est vraiment peu. 8 points, c'est 4. Le Stade Rochelet est également 52 points et le Stade Français est à 51 points. Donc rien n'est fait, sachant que juste avant Castres Olympique et le Grasing et le Lyon et le Loup pardon sont juste au-dessus, donc ils sont pas très loin. Un petit chifoumi pour savoir qui commence, Alex ou Enzo. Attention, c'est gagné. Pour ah ben non, t'as fait ciseaux. Ouais, fait ciseaux. T'as fait ciseaux, donc tu choisis le si tu veux gagner ou tu veux commencer ou pas. Non. Donc tu commences pas. Il laisse la main. C'est Alex avec le non. Le MHR ne le fera pas. Qui commencera? Alex, quand tu veux. Oui, donc pour moi, ils vont pas réussir à se qualifier parce que il y a 6 points de retard sur Bordeaux qui est actuellement 6ème et 6 points, c'est plus qu'une victoire bonifiée. Et ensuite, il y a 3 victoires de suite, mais il faut voir les équipes. Je pense que le leader, enfin Oyonnax ou Bayonne, qui sont en tête de la Pro D2, iraient gagner au stade du Hameau, donc c'est assez facile. Ils ont gagné contre Toulon qui fait une saison très médiocre et ils ont gagné à domicile face à Bordeaux, c'est un match à domicile, donc pour moi, c'est logique. Ensuite, il faut regarder le calendrier. Il y a 3 déplacements pour seulement 2 réceptions. Dans les réceptions, il y a le Stade Français, c'est une confrontation directe, et dans les 3 déplacements, c'est le Racing, Castres et Clermont. Du coup, le MHR n'a aucune marge d'erreur. Ce qui veut dire que même si dans le calendrier, il y a aussi d'autres équipes qui, dans les concurrents directs qui vont se rencontrer, il suffit que... moi, je ne vois pas le MHR aller gagner ni au Racing, ni à Castres, ni à Clermont. Donc déjà, pour moi, ils n'ont aucune chance de finir dans les 6. En plus, Castres a l'habitude, dans son style caractéristique, de toujours finir dans les 6. Le duel serait donc... Une minute qui te reste. Ah, le Racing, je pense, va se qualifier. Le duel serait donc entre le Stade Français, La Rochelle et l'UBB. Mais alors peut-être qu'ils échoueront de peu, mais à ce petit jeu-là, je pense que ce sera quand même le MHR qui sera perdant parce que tout simplement que les calendriers sont plus favorables à ceux du Stade Français qui d'ailleurs qui y a une confrontation directe. Et ils ne vont surtout pas au Racing et à Clermont. Donc je pense que par rapport notamment à ces 3 déplacements clés que sont le Racing, Castres et Clermont pour le MHR et la réception du Stade Français, ça ne va pas le faire. Parfait, merci. Il te reste 15 secondes, mais c'est tout à fait correct. C'est bonheur, c'est cadeau. Correct. Okay. On va passer à notre oui cette fois-ci. Enzo, quand tu veux. Oui, bah alors déjà premier argument, donc c'est bien parce que Alex a donné des arguments pour le oui évidemment. Donc avant tout, chers auditeurs, sachez que vous avez une personne qui est totalement subjective car elle supporte le Béziers, donc elle ne peut pas dire que le MHR se qualifiera. Ensuite, le MHR est sur une dynamique porteuse des 3 derniers matchs, c'est 3 victoires avec plus de 80 points marqués, donc c'est quand même quelque chose. Et seulement 6 points, c'est rien, Flo, tu l'as dit en introduction, du 6ème de l'UBB et du Stade Rochelet qui est totalement à la renverse en ce moment, et le Stade Français qui gagne de temps en temps, mais bon, c'est si peu. En plus, les prochains matchs, on l'a dit, c'est qu'il y a aussi, bon, le Stade Français qu'on va renverser, le Racing 92, bon, on prendra le point de bonus défensif, le CO, on va aller... Et enfin, il y a aussi Agen et Grenoble. Et Agen et Grenoble, excusez-moi, c'est pas Toulouse, c'est pas Clermont, ok. Donc ensuite, et un des derniers arguments, c'est que le retour des internationaux, un tournoi destination catastrophique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se remettre dedans. Le Picamol, on a vu déjà dimanche, il était bien chaud. Et aussi des cadres de retour, notamment Duplessis, qui a marqué ce week-end. Et enfin, surtout, bah, des joueurs qui y croient. Parce que dans les déclarations, les joueurs y croient et ils y pensent. Donc moi je pense que le MHR va le faire et voter pour moi tout simplement. Parfait. Donc restez en fait 30 secondes exactement, mais c'est parfait. Vous avez fait dans votre temps imparti. Jules Romain, qui veut commencer pour un peu s'exprimer. Un supporter Romain. Objectif Non, supporter, j'ai dit. ou un Catalan qui ne va dans tous les cas pas aller dans le sens du match. Je suis objectif quand même. C'est vrai, c'est vrai. En réalité, moi-même, j'ai, même si je suis supporter du MHR, c'est de notoriété publique. Ça se voit d'ailleurs ce soir. Ça se voit ce soir en plus. J'ai mis haut les couleurs avec l'écharpe du MHRC, donc vous voyez que ça date pas d'hier. Je disais dans les dernières chroniques rugby que je ne donnais aucune chance au MHR pour aller chercher la qualif. Dernièrement, les tendances se sont bien inversées, effectivement, comme le dit Enzo, avec 3 victoires. À l'inverse, notamment Bordeaux et La Rochelle ne cessent de dégringoler, mais il faudra essayer, tenter d'aller chercher 2 équipes, au moins l'une des 2, en tout cas Castres ou le Stade Français, ça c'est pas une mince affaire. Pour autant, j'ai envie d'y croire, parce que tout semble possible désormais. 6 points, ça me semble encore légèrement trop, mais voilà, je vais faire part d'optimisme et donner mon point à Enzo ce soir, parce que déjà il y avait du challenge de pouvoir essayer ça, et que contrairement à ce que nous a dit Alex, qui est effectivement des fois sur quelques arguments fallacieux parce qu'il s'est mal renseigné, nous jouons 3 matchs à domicile, dont Agen et Grenoble, et, oui. Et à la dernière journée, sait-on jamais, concours de circonstances, si on va taper pas le Racing, j'y crois pas trop, mais sait-on jamais à Clermont ou à Castres. J'ai pas dit qu'il y avait pas 3 matchs, j'ai dit qu'il y avait 3 matchs avec ça. On pourrait, par une victoire contre le Stade Français, t'as dit qu'il y avait que 2 matchs à domicile restants. Ouais, parce qu'à Agen, je pense que ce sera victoire, ouais, c'est vrai. Ouais, mais du coup, ça compte, justement, c'est 4 voire 5 points. Il y en a d'autres qui doivent réagir. On peut, justement, je termine, aller chercher, et ce sera là-dessus que la saison peut prendre toute une autre tournure, comme il y a bien des années contre Toulon. Non, moins d'une minute, justement, c'est ma dernière phrase. On peut, sait-on jamais, aller chercher, même si ça paraît venir de nulle part, la victoire et la qualif contre le Stade Français à la dernière journée à domicile. Jules, je vais te demander d'être très rapide. Même si les Montpelliérains se rattrapent ces derniers temps, je pense qu'ils ont loupé le coche en loupant quelques matchs dans cette saison, en passant à côté. Un contre ton équipe d'ailleurs. Aussi, ouais, ça, certainement. Ouais. En étant sérieux, ils auraient pu prendre 5 points. Au final, ils se retrouvent piégés et sans aucun point. À mon avis, avec les réceptions, c'est vrai que ça pourrait être possible de revenir. Mais moi, je partirais plutôt sur, on va dire, finir à 2-3 points, à 2-3 points des phases finales, encore plus frustrant. Une 7e ou une 8e place, à mon avis. Ce qui ferait que, voilà, moi je donne mon point à Alex, ça va être trop court. Un homme sage, merci. Ça va être trop court pour les machins. Qui me donne son rib ici? Il est déjà sur ta boîte mail, Flo. regarde. C'est vrai. Alors moi, je suis plutôt d'accord déjà un peu avec les deux, dans le sens où c'est vrai que les matchs à domicile pourront être... donner beaucoup de points à Montpellier, notamment à Agen, Grenoble, et même je vois la victoire contre le Stade Français. Alors peut-être déjà au moins deux points en plus de bonus défensif sur les trois. Je pense que ça peut être sympa. Les 3 dernières victoires donnent un peu de légitimité à Montpellier dernièrement. Cependant, le point négatif, c'est les matchs à l'extérieur. Et autant les matchs à l'extérieur, je suis plutôt totalement d'accord avec Alex sur le Racing 92 qui ne nous réussit jamais en phase finale et notamment dans le dernier sprint, tout de même à Montpellier, les dernières. Enfin, il y a 2 ans, je te rappelle. Ouais, Romain, ans, il fait les gros yeux. Bah, on leur a mis souvent des cartons quand même. On leur a mis des cartons, mais. Et on les a éliminés déjà plusieurs fois en face. Il y a 2 ans, là on doit gagner quand même le championnat où on est encore bien fort à ce moment-là aussi. On se fait étrier contre le Racing à domicile. Donc voilà, Castres, on sait très bien que c'est notre bête noire. Et clairement, même si c'est le dernier match de l'année, je me rappelle très bien où ils avaient rien à jouer il y a plusieurs années, où ils ont fait, ils ont mis l'USAP en Pro D2, on s'en rappelle tous ce dernier match. Merci de rappeler ça. Donc, Montpellier a déjà gagné à Clermont. Oui, je sais qu'on peut être déjà gagné à Clermont. Mais Romain essaie de me faire. Moi, j'ai rien à faire. Hein, tu as donné le rib à Romain ou à moi, comment ça se passe? Donc, je pense, en effet, comme Jules, qu'ils feront une grosse remontée, mais ce sera peut-être pas suffisant. Il manquera peut-être 1 ou 2 matchs. Donc, désolé pour cette première défaite, Enzo, mais ça sera pour mon point pour Alex ce soir. Bah, merci. Première victoire. Je suis content. Première victoire, mais malheureusement, j'aimerais bien que tu aies raison. Ouais, sur ce coup-là. Est-ce que tu veux te rattraper? Est-ce que tu veux te rattraper? Non, c'était un beau match. Après, tu veux te rattraper, je sais que tu veux te rattraper, parce que ça sera Le quiz, tout de suite. Le quiz, évidemment. Alors là, t'auras pas de ma difficulté à me battre. C'est le quiz, tout de suite, jingle quiz. Sport and chill, le quiz. Et cette première question, avec la musique qui fait peur, on le sait. En football, et une question, je pense, simple, on va voir un peu selon vous, de rapidité. En ce moment, donc, se jouent également les qualifications pour la CAN. Il y a eu de nombreuses problématiques sur le pays hôte qui a changé 3 fois de nom. Officiellement, maintenant, qui est le pays hôte ? L'Égypte. Le Maroc. L'Égypte. Ah, l'Égypte. C'était le Cameroun au début, puis le Maroc, puis l'Égypte. Point pour Alex. Qui a dit « Je suis quelqu'un qui pense beaucoup et très tôt au calendrier. Quand j'ai appris que je n'étais pas sur le Tour de France l'an dernier, puis que j'ai vu... » Thibaut Pinot ? Puis que j'ai vu devant ma télé, j'ai tout de suite compris que je voulais revenir sur le Tour de France pour être à 100%. Quand tu vois les performances que fait Alaphilippe l'an dernier, ça donne envie de revenir sur le Tour et de regoûter à ses joies. Ma plus grande émotion sur le vélo, ça reste ma victoire à l'Alpe d'Huez. Pour un grimpeur, c'était des émotions fortes. Thibaut Pinot. Point pour moi. Qui suis-je ? Rapidité. Né le 26 juillet 1959 en France, je suis un petit pratiquant de rugby dans mon enfance à Saint-Germain-en-Laye, ma ville natale. Je commence ma carrière dans un autre domaine en 1982 où je dirais le football c'est mon métier, le rugby c'est ma passion. En effet, il y a un lien très étroit avec la Ligue des Champions, notamment en relation avec un certain Michel Platini, depuis les débuts des années 2000. Pardon. Je suis quelqu'un qui a marqué le sport, et je parle de moi aussi, car il y a 11 ans, jour pour jour, le 25 mars 2008, la cigarette... Thierry Girardi. M'a ôté la vie. Ah, mais oui, Thierry Girardi. Mon dernier match était Manchester United Olympique Lyonnais sur TF1 le 4 mars 2008. Désolé, je rigole parce que Yacine m'envoie des messages en même temps, il me marque Denis Charvet et là je suis. Je suis là depuis grand journaliste sportif français, je suis Thierry Girardi qui nous a quittés maintenant il y a 11 ans. Sacré Yacine. Point pour Jules. Bien cette question. Biathlon, tour de table. Johannes Bö, qui décroche évidemment le gros globe de cristal en biathlon. Combien a-t-il gagné d'épreuves cette année ? Tour de table. On va commencer avec toi, Alex. Non. Combien d'épreuves a-t-il gagné cette année ? Petit Johannes Bö. Toutes les courses, tu veux dire ? Oui. Ok. Combien de succès en tout ? Bon, je veux dire n'importe quoi. 80. Cette année, hein. Voilà. Ah, cette année, depuis 2019, 1er janvier. Oui, cette année, cette saison. Ah, pardon. Non, cette saison. Cette saison, ouais. 2018, 2019. Ah. Bon, 50. 21. 50, 21. 23. 23. 16. Exactement. Ah, 16 succès en tout. Une saison presque parfaite. Il s'est enflammé, Alex. 80. Ouais, je compte pas bien. Non, parce que je m'imagine qu'il fait tout, la master féminine et tout. Donc, voilà. Romain le savait et il a bien fait de se taire parce qu'il y en a, ils auraient dit direct la réponse. C'est arrivé à Guillaume. Qui a dit ? Donc, rapidité. J'aimerais que le football demeure celui qu'il était à mes débuts. Celui dont je suis tombé amoureux. J'ai passé beaucoup d'années à l'étranger. Ils sont en avance sur nous, sur la culture sportive. En 2 ans en Angleterre, je n'ai jamais été insulté. Contrairement à ici, nos stades doivent s'améliorer. Cantona ? Non. Il a été en Angleterre en tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur. Duel. Et Rémi Garde ? Il est dans un autre championnat où ça se passe plutôt mal dans les tribunes. Il y a du racisme, il y a des insultes. En Italie. C'est un très grand entraîneur. Ranieri. Zidane. Il est français. Il est en Italie en ce moment. Il est en Serie A. Non, ce n'est pas un français. Ah, c'est pas Ranieri. Ah, ok. Mourinho. C'est pas Ranieri. Qui est en Angleterre ? Putain, Yacine, il est un câble. Ouais, pourtant, il m'a dit Ranieri aussi. Ah. Non, l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire. Ancelotti. Carlo Ancelotti. Ah ouais. Sur les supporters en Italie. À Naples. Je suis pas bon. Entraîneur du Napoli. Cyclisme. Tour de table, attention. Julian Alaphilippe est passé premier au classement UCI World Tour en cyclisme donc. Je vais vous demander, non pas le top 10 de cette année. Valverde. Non. Mais le top 10 de l'année précédente. Ah. D'accord. donc en fin 2018. Je voudrais le top 10, on va faire un tour de table et si vous n'avez pas bon, vous êtes éliminé. Romain, tu commences. Alejandro Valverde. Alejandro Valverde, oui. Chris Froome. Chris Froome. Oui. Oh putain. Geraint Thomas. Geraint Thomas, oui. Sagan. Peter Sagan. C'est oui. Elia Viviani. Elia Viviani, c'est oui. Quintana. Éliminé. Oh putain, je... Simon Yates. Simon Yates, oui. Alaphilippe. Alaphilippe, oui. Oh, on l'a pas dit. Il en reste 3. Primoz Roglic. Il était 11ème, éliminé. Oh, juste après. J'ai pris un risque. Tom Dumoulin. Tom Dumoulin, oui. C'était l'autre que je voulais dire. Alex, il t'en reste 2. Il écrit en même temps. Il t'en reste 2. Van Avermaet. Oui, il est joué. Bien sûr. Partage des points. Oui, partage des points si. Non, le premier qui l'a, le dernier. Teddy Merckx. Il est bête. Premier qui l'a, le dernier. Pourquoi j'ai dit le 11? Un sprinter. Je l'ai en plus. Je l'ai. Ah ben oui. Ah, Gaviria. Non. Non non. Bon, je l'ai. Merde. Allez les gars. Mais, attends, ne me le dis pas. Ses initiales c'est MM. Michael Matthews. Michael Matthews. Ouais. Je vais chercher l'Australien. Je le. Ça y est. Fou. À jouer. Point pour Alex. Ma mère. Point. Euroleague. Oh. Ouf. Rapidité. Nous avons parlé d'Euroleague, donc aujourd'hui, tout simplement, quelle est l'équipe la plus titrée? C'est SK Moscou. Real Madrid. Fenerbahçe. Real Madrid. Non, Real Madrid, bien sûr. Ouais, c'est ouais. SK Moscou, deuxième, dommage. Ouais. Tour de table, combien de titres pour le Real Madrid? Bah, on va commencer d'ailleurs avec toi, Jules. 8. 8 titres. 12. 12. Romain. 10. 10. 11. 11. 10. 10 titres. Je le savais, je l'ai dit en plus, hein, messieurs. Pas voulu dire 10 parce que j'ai pas entendu. Limoges est le seul Français à avoir emporté la compétition en quelle année? 93. 82. J'allais faire tour de table, mais bon. Est-ce qu'on l'accorde? 93, c'est Tortignol Sharkan. J'ai cru que c'était. Non, non, non, mais j'ai pas dit tour de table avant. Ah, j'ai fois, non, c'est vrai que tu l'as pas dit, mais du coup, sachant que c'était un nom. Tu l'avais, 93? J'étais dans les années 90, donc je sais pas, il a dit tellement vite que ce serait facile de dire que je l'avais. C'est le premier club français. C'est fair play, c'est le seul d'ailleurs. C'est le seul. Non mais tout sport confondu. Oui, d'ailleurs. Champion d'Europe. Ah oui. Avant l'OM. Mmh. En 93. C'est bon, tu as ton point. Quelle belle année. Il n'y a pas un petit bonus. Quelle belle année. Oui, t'as un point, mais il est survalidé. Open Miami. Comme la semaine dernière, je vous ai demandé les plus titrés Indian Wells en faisant un tour de table. Il y avait donc chez les hommes, hein, Roger et Djokovic. Même question pour Miami. Pour Miami, quels sont les plus titrés? Tu commences, Enzo? Federer. Federer, il y en a deux. Ah, il faut que je dise deux mecs. Ouais. Federer et. Ouais. Ils sont à 6 titres, les deux. Djokovic? Federer et Djokovic. Jules, ouais. Nadal et Djokovic. Nadal et Djokovic. Bah, Federer-Nadal. Federer-Nadal. Je crois pas. Non. Est-ce que je tente un truc? Djokovic et Sampras. Alors, tous ceux qui ont dit Djokovic, donc Romain, Jules et Enzo, ont un point. C'était pas Sampras, c'était Agassi, l'autre. Ah, c'est oui, c'est bon. Chez les femmes, c'est Serena, évidemment, avec 8 titres. Si je vous dis le nombre, rapidité. 6. 252. 252. 252, c'était ce dimanche. Le nombre de kilomètres de Mina Saremo. Non, ah, du tout. C'était samedi. Et si je vous dis qu'il y a eu 0,5 de différence en mètres. C'est. Ah merde. En mètres. En mètres. 0,5 mètres de différence, c'est ce qui a donné 252 mètres. Sur le ski. Et c'est un record. Ah oui, le record Kobayashi. Du monde du japonais. Kobayashi. Sur le ski. Ouais. Bon, après, bah ouais, mais j'ai dit ski. C'est le record du monde. Ah, mais c'est le record du monde. Oh. Il a Non, ce n'est pas le record du monde. Non, c'est le record, sur le tremplin slovène. Ouais. Sur le ski, ouais. En 252 mètres pour le japonais Kobayashi. Ah, image totalement dingue. D'ailleurs, quel est le record du monde? Tour de table. Romain, tu commences. 261. 263. 63. 270. 70. 270 aussi, ouais. Fallait pas aller aussi haut. Ouais, je pensais même, j'allais dire 258 au début. 238. Alors là, il a battu 252. Et le record du monde, c'est 253,5. Ah ouais, ah, vraiment ah, ouais, proche. Ouais. Il faut savoir que pour l'anecdote, c'est donc Stéphane Kraft qui l'a eu en 2017. Et en fait, 15 minutes avant, il avait été déjà battu par un autre le record du monde. Et donc Stéphane Kraft vient le prendre juste après, 15 minutes après, avec 253,5 mètres. Kobayashi qui a gagné la tournée des 4 tremplins cette année. Meilleur choix. Ça me tue de rire, cette compétition. On dirait vraiment une compétition de Harry Potter. Qui est la plus importante pour eux avec les Jeux Olympiques? Qui est le meilleur buteur de Champions League en hand? Richardson. Oui. Voilà, 87 buts. Ah ouais, j'aurais pas pensé. Il est devant encore pour un but. Donc il va être battu, hein, vu qu'il n'est plus en compétition. Devant qui? Mikel Antin? Non, que je connais pas. Ok. Je pourrais pas te dire. Merci. Qui a dit: j'ai assez peu d'appétence pour la dimension politique. Marc Lièvremont. Qui représente cette fonction de président. Bien. C'est bien. La remontada. C'est bien. Mais je disais la même chose. Ouais, bon, il a parlé de sa présidence, sa possible présidence pour la FFR. Ouais, sur la liste au Canal Rugby Club. Voilà. Sur une liste de 6 avec Olivier Magne, Serge Blanco, entre autres. C'est tous de regratter des points. On parle. Là, ça va bientôt terminer. C'est que du foot. Il reste 2 questions de foot. Oula. Ah. Pas une question à 2 points là pour moi. Et c'est des questions très longues. Donc, des questions seulement à 2 points. Non, on va faire une question à 1 point et l'autre question à 2 points. Olivier Giroud a inscrit son 34e but à la 34e minute. Tout un symbole pour l'ex-Héroleté. Donnez-moi, tour de table, les 10 meilleurs buteurs français de l'histoire. Je pense que ça va se partager les points, mais je vous accorde tout de même le 11e, car il est aussi connu. Donc on va dire les 11 premiers. On va commencer avec Jules. Thierry Henry, le premier, 51 buts. Alex. Fontaine, oui. David Trezeguet, oui. Troisième égalité. Olivier Giroud. Avec quelqu'un, Giroud. Michel Platini. Platini deuxième, 41. Alex. Copa. Aïe aïe, c'est ce que je vais dire. D'ailleurs, c'est ce qu'il n'y est pas. Il n'y est pas. C'est. Non. Ouais. Éliminé. Zinedine Zidane. Oui. Cinquième. Sylvain Wiltord. C'est le 11e que je cherche. Ah ouais. 26 buts. Aïe aïe aïe. Antoine Griezmann. Griezmann. 27 buts. Il en reste 3. Coup, là 3. 3. Soit un chacun. Oui, bien vu. Captain Obvious. Allez, 10 secondes. Quoi, tu fais Cristiano Ronaldo là? 3, 2, 1. Thierry Henry, on l'a pas dit. Si, on l'a dit. Éliminé. Benzema. Benzema. Ah mais oui, oui. Ah bah oui, pour un madrilène, c'est terrible. Jules. Je pense au tout début en plus. Il en reste 2. Jean-Pierre Papin. Oui. Ah oui, Pépé revient. Le premier qui le trouve, le dernier. Anelka. Non. Cantona. Non. Dugarry. Non. Guivarch. Je sais pas. Non, attends. Inconnu. Champion du monde. Champion du monde, j'ai pas dit quelle édition. Son père était un footballeur aussi. Djorkaeff. Oui. Ouais. Point. Aïe, aïe, aïe. Point de dos, mais la remontée de malade. Je te dis. Et 2 points pour la dernière. Je suis planté grave. Je suis maintenant. Au niveau des scores, on est à combien là? Au niveau des scores, c'est un joueur parce que Romain est très très loin. Romain est à 7 points. D'ailleurs, je sais pas comment il est arrivé là. Je sais pas comment je t'ai donné 7 points. Soit ski. Et Enzo et Jules sont qu'à 4 points, Alex t'as 4 points. Alex, tu peux revenir sur les deux devant. Et encore du foot. Et c'est encore un tour de table, de la même manière. La BBC a donné son classement des meilleurs joueurs étrangers de l'histoire de la Première Ligue. Attention, l'histoire de la Première Ligue, ça commence en 1992. Ah oui. D'accord. Après un vote de 250 000 personnes, donc il y a du monde. Alors je voudrais, s'il vous plaît messieurs, alors les 13 premiers parmi ces votes, ça fait 13 joueurs sur 2016 joueurs, donc non britanniques. Donc parmi ces 13 joueurs, il y a aussi, donc la BBC a donné aussi des mentions honorables. Ok. Et donc dans ces mentions honorables, il y a un goal, deux défenseurs en plus, 4 millions en plus, 4 attaquants en plus, qui fait 24 joueurs possibles. Je répète, il y a donc 4 goals à trouver. Ouais. 5 défenseurs, 7 milieux et 8 attaquants. Toutes nationalités confondues. Sauf britannique. Ah oui, voilà. Oui, non, oui. Ah, mais oui, sauf britannique, oui. Sauf britannique, il faut rappeler. Et on va commencer. Qui c'est qui va commencer juste avant ? Toi, donc Alex, tu vas commencer. Henri, oui, c'est d'ailleurs le premier. Énorme. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Petr Cech, chez les Gaules, oui. Van der Sar. Van der Sar, t'as de la chance, toi, hein. C'est une mention honorable. Ok. Drogba, oui. Ah, il voulait le dire. Alex. Vieira, oui. Il est bien classé d'ailleurs, Patrick Vieira. Bergkamp. Denis Bergkamp, en mention honorable. Devant. Robin Van Persie. Éliminé. Oui, Jules, à toi. Ça coince déjà. Pires. Éliminé. Vidic, oui. Oh. Oula. Oh, c'est pas honorable, ça, je suis désolé. C'est une grosse pression, là. Non. Ah oui, il a commencé, en plus. Ouais, j'ai commencé. Putain, j'en avais un, mais je viens d'oublier. J'aurais dû parler tout de suite. Putain, c'est quelque chose que j'ai oublié. Ruud van Nistelrooy. Oui. Mention honorable. C'est un de me revenir. Devant. J'ai parlé, j'ai la bouche. Alex. Fais le bruitage. Attends, ça vient. 5 secondes. Ouais. Que Johnson. Non. Romain, si tu en as un, tu gagnes. Cher Romain. David Silva. David Silva, oui. Oh. Est-ce qu'il y avait Makelele ? Oui, il y avait Makelele. Ah merde. Agüero aussi. Oui, il y avait Agüero. J'avais Agüero derrière. D'un coup, j'étais passé à City. Il y avait surtout Cristiano Ronaldo aussi. Cristiano Ronaldo. Gareth Bale ? Non. Non, britannique. N'Golo Kanté aussi. Ah, j'ai failli le dire, mais Ginola. Je me suis dit quand même. Yaya Touré. Ginola ? Mohamed Salah. Salah. Suarez, Luis Suarez. Cantona. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vraiment les récents. Quoi. Peter Schmeichel. Ouais. David De Rea. Ah oui, Schmeichel, ouais. Yap Stam. Compagnie, j'avais deux Samy Epia et Ricardo Carvalho. Oh, Epia, ouais. En fait, il y en avait. Ah, Carvalho, j'aurais pas forcément pensé. Ouais, non plus. Non, Carvalho non plus, ouais. Mais bon. Samy Epia, ça faisait quoi. Si, Epia, ok, Epia quand même. Victoire de Romain. 9 points, belle victoire ce soir de Romain, mais gros quiz pour les autres aussi quand même. Hein. 4 points. C'est, je sais pas comment Romain a eu autant. Il a fait un bon quiz, mais 9 points. Il a écrit des pas mal. Hein. T'as fait ça. On va passer à l'agenda sans plus tarder. Je suis resté sage. Ravi de la victoire. Bah oui, bah écoute. Au niveau du foot, alors ce soir, il y a des matchs. D'ailleurs, je vais vous le dire en direct. Je passe au suivant. Donc mardi, Bosnie-Grèce, Suisse-Allemagne et Italie-Liechtenstein, pardon. Encore en qualification pour l'Euro. Donc les scores de ce soir, la Turquie a gagné 4-0 contre la Moldavie et la France gagne 1-0, but 2. Tu peux me dire, s'il te plaît, Titi. Umtiti. Et d'ailleurs, la Serbie qui gagne à l'extérieur contre le Portugal, 1-0. Petite surprise pour l'instant. Mercredi 27, la Champions League, on en a parlé, féminine. Wolfsburg reçoit l'OL et le PSG recevra Chelsea. Vendredi, il y a un petit match de Ligue 1 entre Rennes et l'Olympique Lyonnais. Samedi, j'ai rien trouvé d'exceptionnel à accepter. United Watford, c'est pour vous dire un pauvre samedi. Et la finale de la Coupe de la Ligue entre Strasbourg et Guingamp. Voilà ce que j'ai. Dimanche, par contre, c'est un petit peu mieux. Le All Firm entre les Celtics et les Rangers. En Espagne, Séville-Valence. Il y a aussi un gros match aux Pays-Bas entre l'Ajax et le PSV. Liverpool-Tottenham en Angleterre et en Italie, Inter contre la Lazio. Le tennis, c'est la suite de Miami fin des 16e de finale et les 8e de finale qui commencent en ce moment, mais ça va être la fin de la compétition cette semaine. En rugby, mon cher Alex, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Alors, le 6 avril à 14h45, nous aurons l'affiche rouge et noir entre Toulon et Toulouse. Les matchs à 18h, Montpellier-Agen, Bordeaux-Perpignan, Grenoble-Stade français, Castres-La Rochelle à 20h45, donc ça c'est pour le samedi. Et le 7 avril, le dimanche, Pau-Lyon à 12h30, donc avec une histoire de Lyon. Hein, et Clermont-Racing à 16h50, la grosse affiche aussi de fin de journée. Romain, en cyclisme, qu'est-ce que tu as concocté ? En cyclisme, le Tour de Catalogne qui a démarré aujourd'hui avec une victoire de Thomas de Gendt tout au long de la semaine. Ensuite, le retour des classiques flandriennes belges avec le Grand Prix E3 qui aura lieu vendredi, et donc qui est la première grande classique flandrienne. Et puis Gent-Wevelgem dimanche, donc la première du triptyque qui suivra avec le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Très bien. En NBA, est-ce que vous avez du... Des matchs ou pas du tout, Romain? J'ai des affiches, je sais pas si tu les as sous les yeux. Non, vas-y. Alors, je me suis centré sur les équipes en balance, notamment, avec cette nuit déjà deux affiches importantes. Philadelphie contre le Magic d'Orlando d'Evan Fournier, dont on a parlé dès minuit. Rester debout. Ensuite, enchaîné avec un Brooklyn Nets Portland Trail Blazers. Demain, San Antonio Spurs Charlotte Hornets. Le derby floridien qui vaudra de l'or entre Orlando Miami dans ce sprint final. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Orlando contre Détroit. Brooklyn contre Philadelphie. Dans la nuit de vendredi à samedi, Indiana-Boston. Donc ça, c'était pour donner une des grosses affiches de l'Est, même si... Ça sera certainement un avant-goût des playoffs. Ils vont se retrouver les deux en playoffs, je pense, au premier tour. Effectivement, c'était plus dans cette idée-là. Enfin, dernière rencontre que je voulais donner, dans la nuit de samedi à dimanche, Boston-Brooklyn et Orlando-Indiana. Parfait. Au niveau des autres sports, beaucoup de sports mécaniques. Tour de Corse WRC ce week-end, le GP de Bahreïn en F1 dimanche, le GP d'Argentine en MotoGP, et il y a aussi le début des finales de Ligue Magnus en hockey pour ceux qui sont plus du hockey sur glace. D'ailleurs, on recevra la semaine prochaine le Montpellier Vipers. Et au niveau des sports montpelliérains, parfaite transition, il y a une petite semaine avec Dunkerque qui est donc MHB, on en a parlé, c'est mercredi. Jeudi 28 mars, Belema recevra Girona donc pour la phase retour de demi-finale de Petite Coupe d'Europe de basket féminin. Samedi 30 mars, Noisy-le-Sec MWP, et samedi 30 mars toujours, les Vipers recevront la Roche-sur-Yon. Et enfin dimanche 31 mars, le Belema revient aller à l'extérieur à Tarbes. Les petits tips de la semaine pour terminer, mon cher Alex, qu'est-ce que tu nous as concocté comme tips? Est-ce que tu peux nous faire gagner un peu d'argent? Alors, je n'ai pris des choses que pour faire gagner de l'argent. Ça peut être risqué, mais je démarre par du foot. Dortmund-Wolfsburg, Bundesliga. Alors, deux cotes intéressantes. Le vainqueur du match avec handicap à moins 2 pour Dortmund est coté à 4. Et moi, je parierais sur l'équipe qui marque dans les demi-temps. Cote à 5 pour Wolfsburg, c'est de la Bundesliga, c'est les journées portes ouvertes, c'est les soldes. Donc, je pense que Wolfsburg peut marquer sur les demi-temps, donc cote à 5, c'est quand même très intéressant. Sur Marco Argentine, j'ai un petit Dybala à 3,20 en buteur, je pense que ça peut le faire. Mm-hmm. Sur le rugby, j'ai Racing Toulouse, une victoire de Toulouse à 2,60, c'est jouable. Et là, celle-là, c'est magnifique. Sur l'ATP de Miami. Wang contre Wang. Victoire de Wang, match nul. Chequinato Gauffin. Oui. Alors moi je pense que c'est jouable parce que Chequinato qui gagne et les deux joueurs qui gagnent un set à 6,30 et Chequinato qui gagne les deux sets à 4,50, je pense que ces deux cotes là vous pouvez quand même y aller, il y a des chances que ça se joue. Moi je serais pas sûr sur celle-là. Ah si, moi je pense quand même que si. Ok, bah en tout cas, vous avez des problèmes d'argent, appelez Alex. Un avant-goût de la saison de terre battue. Parfait. Je vous remercie, mes chroniqueurs, ce soir d'être venus. Merci à toi. Belle émission. Merci. Merci à vous. Merci aux auditeurs également et à la technique ce soir. Merci à tout le monde et retrouvez-nous évidemment sur les réseaux sociaux. L'émission suivante, ça sera Campus Hi-Fi. Et nous, on finit cette émission avec le son de la semaine. J'ai choisi Wendy Renard qui fait le break en quart de finale de Champions League avec l'Olympique Lyonnais contre Wolfsburg. Voilà, j'ai mis un peu de foot féminin, on n'en met pas souvent, et ça sera notre son de la semaine pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine donc avec les Montpellier Vipers, 19h-21h évidemment, sur Radio Campus Montpellier. Salut à tous. Encore bravo. Très juste techniquement, l'internationale galloise. Wendy Renard et Ada Egerberg sont dans la surface de réparation. Le corner frappé par Amel Majri, la tête de Wendy Renard. qui est montée plus haut que tout le monde. On attendait évidemment une grande joueuse. Quand les moments s'élèvent, quand l'altitude s'élève, et bien en quart de finale de Ligue des Champions, c'est la capitaine Wendy Renard, celle de toutes les conquêtes, qui permet à Lyon de mener 2-0. Allez, on voit toute la rage hein, sur ce coup de tête et ensuite sur la célébration. Almouchout hein, qui hésite à sortir, c'est très proche d'elle. Wendy Renard, une fois qu'elle est lancée, vous l'avez dit, souvent buteuse. On voit ce ballon, beaucoup de monde très proche. Le timing est bon. Cet appel, on voit, elle va rester cachée. Personne au marquage. On joue plutôt en zone du côté des Allemandes. Et Babette Peter qui est prise sur le duel. La défense de zone mise à mal des Allemandes.